Peace, Radio du Monde, le son en devoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, Radio Boomerang 89.7 FM. Vous êtes dans l'émission Eclipse, comme tous les mercredis soirs, nous sommes ensemble de 20h30 à 22h30 et peut-être plus si infinité. Ce soir, deux groupes sur trois, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je reçois donc ATS, Elise et puis Madame Teresa que je rencontre maintes et maintes fois dans les concerts. Avec sa sœur jumelle qui a aussi passé à la télé dans une émission de brocante. Enfin voilà, c'est une star elle toute seule. On va commencer par par ATS. Salut, on est parti. Eh ben bonsoir. Salut. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Gros, c'est parti. Alors donc toi c'est Christophe le dernier arrivé chez ATS hein, ouais. J'ai rejoint le groupe il y a quelques mois au mois de mai de l'année dernière. Mm-hmm. Un petit peu par hasard et voilà, bon je vais peut-être parler un petit peu au nom de Johan et Pascal qui malheureusement n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais je pense qu'on va vivre une belle aventure. On a déjà un beau projet en cours. Mm-hmm. qui est celui de faire un nouvel album. Super. Voilà, les dates de concert, un concert déjà la semaine dernière, un nouveau concert samedi. Ce samedi qui arrive. Mm-hmm. Donc voilà, plein de belles choses, je pense, en perspective, une nouvelle aventure avec peut-être aussi du coup une nouvelle orientation un petit peu musicale. On va ouvrir les chakras, on va voir ce que ça va ça nous va donner. Okay. Et donc dans le groupe, tu joues quel instrument ? Alors, déjà, je joue un instrument. Donc c'est un instrument qui arrive en fait chez ATS. Hein. Ouais. Donc je joue de la basse et Pascal et Johan ont quand même réussi à me faire jouer aussi un peu de guitare électrique. C'est bien. C'est pas mon fort, hein, loin de là. C'est un peu qui couvrir. Mm-hmm. Là je verrai bien de la guitare électrique. Mm-hmm. Ouais, vraiment, t'es sûr? Ouais. Bon ok, on va essayer. Mais c'est vrai qu'un bassiste passer à la guitare, c'est pas évident. Alors je suis guitariste à l'origine, mais plus guitare acoustique, donc c'est, mm-hmm. C'est juste des accords. Mm-hmm. Je les ai plus rejoints vraiment en tant que bassiste, mais il a fallu que je dise que je faisais aussi un peu, enfin que j'avais tenté de faire un peu de guitare électrique, voilà, du coup je m'y mets, mais avec plaisir. Super, ok. On va passer des morceaux donc de ATS ce soir, et puis bien sûr aussi des morceaux de Elise. Alors Elise aussi est parmi nous ce soir. Oui, salut. Ça surprend. Tu as une drôle de voix, Elise. Oui, une drôle de voix. Mais il y a une fille qui se fait appeler également par un prénom de mec. Je ne sais plus quel est le nom de cet artiste, mais c'est très bien. Et pourquoi pas. C'est Robert. Oui, c'est Robert. Bien. Merci de combler, mes vides. Teresa. Oui, salut Boomerang. Salut tout le monde. Salut. Donc Elise, pareil aussi, donc toi tu... Moi je chante. Tu chantes, voilà, exactement. Et donc vous avez aussi, pareil, ça fait combien de temps là maintenant que vous tournez ? Avec la formule actuelle, ça fait déjà quelques mois. Mmh. Et on a enchaîné pas mal de concerts déjà. Et puis ça va crescendo parce qu'en fait on nous dit que c'est de mieux en mieux, donc tant mieux. Ouais. Voilà, et j'invite tout le monde à venir nous voir en concert, où que l'on soit, ou que les personnes soient, qu'elles viennent, qu'elles se déplacent nous voir pour constater d'elles-mêmes ce que ça donne en live, puisque nous sommes un groupe de scène, et d'après ce que certains nous disent, j'aime bien parce que j'ai des références de pas mal de personnes déjà qui nous disent que nous sommes effectivement faits pour la scène et les grandes scènes. Donc ça laisse rêveur. Hein. Ouais, bien sûr, mais c'est bien. Voilà, c'est bien. Mais on se débrouille tout aussi bien dans les endroits très très intimistes, mm-hmm. Puisqu'on a eu la chance de jouer au Yeti. Je pense pas qu'on puisse faire plus petit comme endroit, mais on s'est débrouillé là-bas et c'était plutôt pas mal. Donc on s'adapte, mais en fin de compte, on se rend compte qu'on est vraiment fait pour la scène, comme on a joué vendredi soir à la Brad Cave. Mm-hmm. C'était époustouflant, le public a répondu présent, il y a une vraie communion, mm-hmm. Un vrai partage, et si on avait pu jouer une heure de plus, on aurait joué sans problème, le public répondait présent, ça dansait, c'était vraiment, vraiment génial, tout ce qu'on attend d'un live. En tout cas moi quand je me déplace voir des concerts, j'aimerais avoir ce même genre d'ambiance. Ouais. Ben c'est sûr, mais après, tu vois, il y a d'autres groupes aussi qui font pratiquement exclusivement du live, qui font même pas de gravage, quoi. Donc il y a des groupes qui font, si tu veux les voir et si tu veux les entendre, tu peux faire qu'une chose, c'est te déplacer puis aller les écouter. Ouais, et puis il y a l'inverse aussi. Il y en a qui font que du studio et qui font jamais de live. Ben, ça c'est sûr. Mais les deux sont pas mal. Donc nous on fait du studio aussi. Est-ce qu'on enregistre un album actuellement? Mm-hmm. Il devrait sortir, je pense, on espère au printemps, mm-hmm. au mois de mai, pour l'anniversaire de Teresa. Bah pour mon anniversaire aussi. Donc on espère, on travaille d'arrache-pied. Et puis là on s'est dit qu'on allait vraiment mettre les bouchées doubles pour finir, pour clôturer les enregistrements. Mm-hmm. Parce qu'il y a, on a un ingé son sur Paris qui s'impatiente. Enfin, on travaille avec le studio Climax à Paris. Mm-hmm. Et enfin, c'est pas qu'il s'impatiente, mais nous on aimerait vraiment lui donner de la matière pour avancer, en tout cas. Parce que d'après ce qu'on a entendu jusqu'à présent, on est plutôt satisfait et on se dit que ça va être un super album. D'accord. Tu comptes le sortir sur CD, sur vinyle, ou que sur CD, ou CD cassette, ou parce que la cassette revient aussi dardard. Alors on compte, parce qu'en fait je suis là tout seul aujourd'hui, mais j'ai un compère de scène, un compère de musique, un ami depuis et de longue date déjà, mm-hmm. qui doit nous écouter ce soir. Malheureusement il peut pas être là parce qu'il finit tard le travail, et parce qu'on fait pas que de la musique, on travaille à côté. Ce serait le rêve, hein. Non, je m'appelle pas Brian Molko, je m'appelle pas Mathieu Bellamy, non. Non, loin de là. Je crois que c'est le rêve de tous les Icos. Je sais pas. Tout ce que j'ai entendu, voilà, ils aimeraient bien à un certain moment en vivre, quoi. Parce que bon, c'est une passion, la musique, c'est vraiment une passion. Oui, il faut le vivre comme tel, mais il faut faire les choses comme des pros. Ouais. Et ça, il faut se donner les moyens, c'est du temps, de l'argent, de l'inspiration, beaucoup de temps pour réfléchir, pour créer, pour se remettre en question. C'est une belle aventure, en tout cas, il faut la vivre comme telle avant de pouvoir se dire j'aimerais pouvoir en faire mon activité principale pour gagner ma vie avec ça. C'est le rêve, effectivement, mais la vie elle-même est déjà très belle comme ça. Et si on peut effectivement avoir du temps, c'est surtout le temps le plus précieux dans ce monde, c'est avoir du temps, c'est la plus grande des richesses. Donc voilà, si on peut consacrer ce temps à faire de la musique, ben c'est gagné. Ouais. C'est ce que je pense, en tout cas sincèrement. Et donc je fais un petit coucou à Max, hein, donc qui est mon binôme. Mm-hmm. Et donc on compte effectivement sortir cet album sur CD. Mm-hmm. Et pourquoi pas en vinyle, parce qu'en fait le vinyle revient en grande pompe, hein, ces derniers temps. Et puis c'est quand même pas mal recherché. Donc on espère pouvoir le presser également en vinyle. Super. Bon, ok. Madame Teresa, yes. qui est dans ses pensées. Alors, vas-y, explique-nous un petit peu aussi comment t'en es arrivé là d'un seul coup de commencer. Parce que tu vas nous parler aussi ta nouvelle association. T'en es arrivé comment à ce moment-là, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, un déclic, tout simplement. J'ai dit, bon, 2023, c'est mon année, allez, je me lance. Ouais. Donc voilà, déjà, bon, je suis manageuse pour le groupe Élise, hein, dans mm-hmm. un premier temps. Donc là, on a fait déjà un super boulot depuis 6 mois à peu près. Hein. On a fait de bons petits concerts. Et là, donc, je voulais passer encore pas autre chose, hein, parce que bien sûr, je continue toujours avec Élise. Mmh. Mais me diriger dans d'autres milieux, mmh. donc toujours dans la musique, dans la culture. Et là, ça m'est venu cette idée de créer une association qui aura pour but de promouvoir la culture dans les Hauts-de-France, et puis pourquoi pas la Belgique, etc. Donc voilà. Donc le but sera vraiment... Il y a du taf. Mais bon, déjà, on a déjà pas mal de petites choses en vue. Mmh. Donc ça peut être des rencontres musicales avec... ça peut être avec une lecture musicale, ça peut être avec les arts visuels, avec les arts plastiques. Mmh. Donc voilà, ce sera un petit peu en condensé de tout ça. Mmh. Du moins que ça reste dans l'événementiel et dans la culture, dans la région. Ok. Voilà. Beau projet. Comment ? Beau projet. Beau projet, merci. Mais je crois qu'on a 3 beaux projets ce soir. on va passer un petit peu de musique parce que on va pas faire que du blablatage pendant deux heures. Je vais vous passer un titre de ATS. Alors, j'avais ce titre-là qui est sorti sur l'album Orphan, qui avait été produit par North of Dark Shadows, par Nazareth et David. Oui. Voilà, c'était à l'occasion des. Si mes souvenirs sont bons, c'était les orphelins des pompiers du Portugal. Oui, c'est ça, possible. Ouais. Après, j'ai pas tout l'historique en tête. Ouais, hein, il me semble que c'est ça. Étant le petit jeune du groupe. Et puis après, on se retrouvera juste après. Donc là, on va se passer un titre qui s'appelle Le Crépuscule des Idoles. Alors, ATS, qui signifie Out Thousand Societies. Exact. Voilà. Allez, on se retrouve après. Divina. Voilà, donc ça, bah ça c'est un morceau que tu n'as pas participé apparemment. Non, non, d'accord, non. D'accord, ok. Alors, Crépuscule des Idoles, il a une importance quand même pour moi. Mm-hmm. Bon, d'une part, c'est le titre éponyme du dernier album. Mm-hmm. Et cet album-là, c'est ce qui m'a fait devenir fan d'ATS. Ouais. C'est Johan, voilà, au sortir un soir d'une soirée au Steeple, qui m'a remis la maquette, donc qui n'était pas encore remasterisée du Crépuscule des Idoles. Et voilà, j'ai accroché direct. Et la deuxième petite histoire par rapport à ça, c'est que c'est... Quand Johan m'a proposé d'intégrer le groupe, c'était le premier morceau pour lequel j'ai dû trouver la ligne de basse, que j'ai appris à la basse. Donc il a une belle importance pour moi, ce morceau-là. Mmh, mmh. En plus du texte, enfin voilà... moi j'adore les textes de Johan, c'est ce qui fait aussi que j'accroche énormément à ATS. Ouais, non, mais ça forme vraiment un super. Enfin, c'est vraiment un truc qui forme un tout, quoi. Mmh. Ouais, comme on disait hors antenne, ça m'a fait vraiment penser à un groupe comme Dernière Volonté. Mmh. Et tu me disais que Johan c'était un fan de ce groupe là, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et c'est vrai que, après, ma Dernière Volonté, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, parce que c'est aussi quelquefois très controversé dans leurs paroles, etc. Voilà, mais bon, ça fait partie. Puis ils ont quand même fait des collaborations avec Der Buchtarf, donc c'est quand même assez... Mais ça me fait rire, quelque part, parce que c'est comme Dave Injun, quoi, tu vois. C'est un groupe qui fait de la super musique, qui fait de la dark folk de ouf, mais à côté de ça, on dit « Oh non, mais c'était nazi !» Ouais, voilà. C'est ce qui fait aussi un petit peu le charme des textes de Johan. Ouais. Déjà, Johan, c'est un amoureux de la langue française, donc il adore manier les mots. Je l'ai vu pondre des textes en quelques heures, des paroles de chansons en quelques heures. Mm-hmm. Et cette ambiguïté-là, en fait, qui est très attirante chez ATS, et... Alors, c'est joué sur les mots. Après, chacun peut y voir le message. Chacun comprend le message qu'il veut comprendre aussi. Mais après, il faut toujours, comme pour tout, il faut creuser un petit peu quand même pour connaître vraiment le sens profond. Oui, bien sûr. Et les textes de Johan incitent un petit peu à pousser, à creuser un petit peu. Mais tiens, qu'est-ce qu'il a ? En tout cas, c'est mon cas en ce qui me concerne. Mm-hmm. Voilà, je dis, tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Là, on creuse. Ah oui, voilà le vrai message en fait. Ouais. Et là, c'est quand même assez transcendant au final. Mais c'est cool, c'est bien. C'est bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. Je te cache pas que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Bah, merci. J'aime beaucoup ce que vous faites. Un petit morceau d'Élise. Oui, pourquoi pas. Bien sûr. Bien sûr. On le passe, on en parle. Ou tu veux qu'on en parle avant? Quelques mots avant. Allez, quelques mots avant. C'est un titre qui sera sur l'album, donc qui sortira d'ici quelques mois. Ouais. Ce qu'on écoute là ce soir, ce sont des versions, ce qu'on appelle maquettes. Mm-hmm. Les versions définitives, ce sera la surprise sur. Lorsque l'album sortira. Ok. C'est un album qui s'appellera donc Stranger. Également. D'accord. Et qui sera composé de 12 titres. Voilà pour l'info. Ça va être sympa? Ouais, complètement. On l'espère. Oui, y a pas de souci. Ok, bon, on s'écoute Stranger et puis on revient vers Élise pour en parler. Ça marche. My skin so dark on the bright. away from all. I'm cold and lost. No one can see me and my cardboard house. On the pretty lights, I'm so far from me. My hunger, they don't realize. On the chains I bore, on the pains I've chose. Stranger. Eh, c'est ta voix elle passe pas pareil. Pourquoi? On the pretty lights. Ah ouais, si, I'm so far from me. My suffer they don't realize. On the night I walked on the crossed. Si, si, ça passe pareil. Non, ta voix elle est beaucoup plus grave à la radio. Enfin, ça passe beaucoup plus grave à la radio. Oui, parce qu'en fait, là, j'ai répété cet après-midi. Donc, t'as voix, un petit peu la voix un peu cassée. J'ai la voix, non, pas cassée, j'ai la voix chaude. Ça plaît bien, non? Ça plaît à Teresa, je suis sûr. Ouais, elle est à côté de moi, elle peut pas se. Enfin, elle aime bien les voix chaudes. Ouais, elle se retient. Mais voilà. Non. Donc pour rebondir sur ce que tu disais, non, elle se marre, là, ça y est, elle est partie. Ah là, Teresa. Mais Teresa, c'est une belle rencontre, hein. Enfin, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Et puis un jour, elle a dit, bah, je vais vous soutenir, les gars. J'ai envie de devenir. Enfin, c'est même pas moi, c'est même pas toi. Non, moi c'est toi qui l'as proposé. Bah ouais, puis ça s'est fait comme ça, hein, comme quoi les belles associations se font naturellement. À fond, ouais. Et pour rebondir sur ce que disait. Christophe de ATS, il parlait de Johan qui est féru de textes, de français. Mais moi, je dirais que je suis pareil, même si je chante en anglais et j'écris en anglais aujourd'hui, je suis également féru de littérature, autant que de musique. Mm-hmm. Donc, Par le passé, j'écrivais en français. Aujourd'hui, on écrit en anglais pour la simple et bonne raison. Est-ce qu'on me pose souvent la question ? C'est que c'est plus facile aussi pour s'exporter. Puis, c'est pas une histoire de musicalité ou quoi. C'est juste une envie aussi de changer. Puis, pour pouvoir, encore une fois, s'exporter peut-être plus facilement. On espère, en tout cas. Énormément de groupes français chantent généralement en anglais aussi, peut-être parce que c'est dit la langue universelle et puis que tout le monde sait un peu parler l'anglais. Comme peut-être, tu dis, c'est très facile aussi. Enfin, c'est plus facile pour s'exporter, même si tu vas en Allemagne, si tu vas en Belgique, si tu vas en Espagne, etc. Tu peux chanter en anglais. Il n'y a pas de barrière. Et puis rien ne nous empêchera de, pourquoi pas, par la suite, de revenir sur des textes, quelques textes en français. Mm-hmm. Et même si c'est en anglais, je tiens à souligner également que les textes ont un sens, un véritable sens. Il y a une profondeur dans ces textes. Il y a une recherche. Mm-hmm. Sont pas écrits. C'est pas un texte, ce ne sont pas des textes écrits en 5 minutes. C'est pas une traduction Google, quoi, c'est ça que tu veux dire ? Non, du tout. Comme Stranger, ça parle des sans-abri, tout simplement. Il mm-hmm. Faut aller lire le texte, enfin la traduction que j'ai posée sur le mur release sur Facebook. Mm-hmm. Vous trouverez la traduction. Donc ça prend du temps également, parce qu'en fait il y a les sonorités aussi à trouver, il y a le sens, c'est un véritable exercice, en plus de la musique. Enfin, la musique c'est Max qui s'en occupe, donc mm-hmm. C'est on va dire que c'est une réelle harmonie entre lui et moi. Ça se passe comment d'ailleurs, en fait. Votre comment dire, quand vous répétez, etc., ou quand vous créez des nouveaux morceaux, vous tapez d'abord la mélodie et tu viens poser des textes après, ou tu crées des textes et la mélodie se crée, ou ça devient, ou c'est ensemble, ou vous trouvez les sonorités qui s'adaptent au texte. Bah, ce sont ces trois options en fait que tu as citées. Donc c'est assez varié. D'accord. Parfois, il compose un morceau et il met ce qu'on appelle dessus un yaourt. Mmh. Il fait du franglais, du franglais, un truc. Ouais. Et puis de là, moi, je m'accapare la mélodie et de la mélodie. Et puis j'écris et puis je retranscris quelque chose avec mon interprétation. Parce que l'interprétation mmh. aussi a une grande importance dans Élise. Mmh. On s'en est encore du compte, je pense, vendredi soir à la Brad Cave. Parce que je fais pas exprès, c'est naturel. Je suis emporté par la musique et... Je sais pas, je suis sur une autre planète, sur ma planète peut-être. Et tu vis ta musique en réalité, tout simplement. Ouais, complètement. Tu la vis, ouais, c'est complètement. Ça. Et mais sans oublier le public. Voilà, c'est ça. En partageant vraiment tes sensations. Ouais, quoi. C'est ça pour moi le but ultime. C'est vraiment la scène est un lieu de partage. Absolument. Et de plaisir. C'est ça. On oublie tout. On oublie tous ces petits problèmes, le quotidien, etc. On vient. Et on partage tous ensemble un moment d'émotion, un moment de pur bonheur. Et c'est ça le but d'un concert, je pense, pour moi. Mais tu as tout à fait raison. Hein. Et moi, j'admire beaucoup, et ça se fait de plus en plus, contrairement à peut-être des grosses stars qui ne le font pas, mais ça se fait de plus en plus qu'à la fin des concerts, les membres du groupe viennent dans la salle pour discuter justement avec le public. Et je trouve ça vraiment très bien, parce qu'on a, on peut avoir, même si ça dure que 3 minutes, quoi, parce que quelquefois il y a 30 personnes qui arrivent en même temps et puis qui veulent tous parler à l'artiste en disant ah non, mais et puis bon voilà. Mais je trouve que c'est bien, tu vois. Même j'en discutais avec Philippe Lompré de Trisomie 21 et je lui disais, mais je trouve ça extraordinaire qu'à la fin du concert, toi aussi bien toi que Hervé, vous arriviez dans la foule et puis voilà, puis disponible. C'est ça, voilà. Mmh. Voilà, c'est pas simplement faire un concert et puis après on se casse et puis c'est tout. Et puis je pense que vous en avez besoin. Enfin, dans les groupes, je crois que vous en avez besoin. Vous avez besoin de ce retour. Exactement. Oui, oui, complètement. C'est encore une fois, ça fait partie du plaisir du concert, mm-hmm. De gommer les barrières et puis d'avoir le ressenti. du public, c'est important. Bon, j'imagine que les grosses pointures, enfin les grosses pointures, les hyperstars, les grandes stars, etc., ne peuvent pas forcément aller vers ça parce qu'elles seraient assaillies par le public. Mais à notre niveau, oui, il faut en profiter et profiter des personnes qui viennent, parce que c'est souvent aussi de belles rencontres. Ouais. Au-delà de la musique, ce sont des belles rencontres humaines. Mmh. Et d'avoir le ressenti de personnes qui viennent de tous les horizons, ça peut aussi alimenter l'inspiration. Mmh. Et puis ça fait plaisir parce qu'en fait on travaille en amont pour ça aussi. On travaille pour se faire plaisir, pour faire de la bonne musique. On essaye de composer de belles choses. Et si on peut... à la fin d'un concert ou même pendant le concert, on sent qu'il y a cet échange, et ben c'est gagné. Ouais, c'est clair. Quand il y a de l'osmose entre l'artiste et le public, c'est l'enfer. C'est ça. Moi, j'ai vécu des concerts où je pleurais, quoi. Enfin, je pleurais de joie parce que c'était trop. Yeah, et puis comme je le disais hors antenne, je suis zico, j'ai vécu des moments de concert où on sent que l'orchestre il est complètement en symbiose et on se sent porté et on sent qu'on les frissons commencent à monter mais c'est génial quoi. Enfin, je trouve que avant on a le stress de monter sur scène, mais une fois qu'on est sur scène et qu'on ressent ça, purée, mais quel plaisir quoi. Quel plaisir. Ouais, carrément. Ouais. Quel plaisir. Pour en revenir pour le concert qui a eu lieu le 20 à la Brad Cave, ça, j'ai vu Sam sur scène, donc Sam qui est chanteur d'Élise, il s'est tellement donné à fond que j'ai eu un petit com sur Facebook qui m'a fait vachement plaisir. C'était J3 de Agroum, ex-Agroum, qui a mis un petit commentaire, il s'entendait à rien du tout, mais il s'est pris vraiment une sacrée claque en voyant Élise sur scène. Donc il faut vraiment venir voir Élise, parce que c'est vrai qu'il se donne vraiment à fond. Il a défini les sets comme un set explosif. Exactement. Agroum, ah ouais, putain, quel groupe aussi, ça. Mon Dieu. Ouais, donc venant de sa part, effectivement, connaissant le regard très critique de J3, c'est un très beau compliment. Ouais. Ouais. Et puis là, il était spontané, en fait, à la fin du concert. Voilà, ça parle de... Enfin, il n'y a pas de mots. Pour moi, c'était... Mais c'est ça qui est, enfin, je trouve, c'est ça que je trouve aussi sympa maintenant sur Lille. On a pas mal de salles. Enfin, je parle de Lille, mais Lille est sa métropole. On a pas mal de salles, justement, où on a des groupes qu'on connaît pas forcément ou qui débutent ou voilà. Et quand on a l'occasion de pouvoir aller voir, bon, quelquefois on est un peu déçu parce qu'il y a quelquefois des choses qui nous déçoivent, malheureusement. Quoique moi, je suis rarement déçu parce que j'ai toujours le respect de l'artiste et de ce qu'il fait. Tu vois, même si j'aime pas plus que ça la musique, je trouve que déjà créer un morceau, le jouer en public, c'est déjà un truc de ouf. Mais quand tu fais un concert qui dure une heure, je trouve ça extraordinaire. Enfin, voilà quoi, tu vois. Je trouve que vraiment, l'inspiration, tu parlais tout à l'heure de l'inspiration, etc., c'est pas quelque chose qui est toujours évident et... quelquefois on peut être inspiré pendant 2 jours et puis rester 8 jours sans avoir aucune inspiration parce que c'est comme ça quoi, et il faut pas chercher à comprendre, mais voilà, donc j'ai toujours beaucoup de respect, même si j'aime pas forcément. J'étais voir des concerts où je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, mais d'un autre côté après j'allais voir les musiciens et je leur disais mais merci ne serait-ce que pour le moment que j'ai passé. Parce que c'est extraordinaire, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment super, quoi. Ouais, complètement. Et puis en même temps, c'est aussi un moyen efficace et noble de défendre la culture. Ouais. Parce qu'en ce moment, on parle très peu de culture, on parle beaucoup d'autres choses. Bon, je vais taire tout ça, mais la culture, on l'oublie en ce moment et ça fait du bien d'y revenir. Do Just Like Event. Voilà. Just Like Event, qui a créé effectivement un événement, des événements culturels. Donc voilà, et c'est vrai que c'est pour développer. T'as piqué ça au cure. En fait, c'est venu au cours du dernier, enfin du concert des Cures qui a eu lieu à Liévin dernièrement. J'ai bossé pour Robert, donc forcément. Elle a bossé sur la soirée et puis ça lui est venu comme ça, mais je trouvais ça génial quoi. T'as bossé pour Robert, mais j'y crois pas. Ah bah oui. Moi, j'ai pas été voir le concert de Liévin, tu sais pourquoi? parce que j'ai été les voir en 91 au même endroit. J'y étais. J'y étais aussi, ouais. Avec Kranz en première partie. Tu te souviens? C'est ça, ouais. Exact. Et elle pouvait pas chanter d'ailleurs, elle avait une extinction de voix, ça a été que du truc. Et j'ai eu peur d'être déçu. Ah. Par la salle? Ouais. Non. Non. Par le groupe. Par le groupe. Parce que je les avais vus en, à la sortie de l'album Pornographie, donc en 82. Et ils étaient passés à Lille, mais c'était à l'ancienne Foirecom. Mmh. C'était, on n'était pas beaucoup, hein, on était, je sais pas, peut-être, allez, si on devait être 500, c'était énorme, quoi. Mais j'avais vraiment tellement kiffé cet album Pornographie. Et en 91, quand je les ai vus, donc c'était à la sortie de l'album de Top, il me semble. Là aussi, pareil. Et après, les Cure, comment dire, après... donc il y a eu The Head of the Door, ça j'ai complètement zappé parce que j'ai dit c'est un album, non c'est pas, non, non, pas ça. Après je suis parti sur l'album où il y a Fashion Street, Disintegration. Disintegration, où j'ai retrouvé Kiss Me, Kiss Me, j'ai retrouvé les Cure. Et j'ai eu peur d'aller à ce concert, de peur de comment dire, de, d'avoir une mauvaise impression de cette mouvance maintenant qu'il y a, enfin, que les goths ont rattrapé ce mouvement des Cures, et j'ai eu peur. Mais bon, mais ouais, tout le monde m'a dit, ouais, c'était génial. C'était extra, je confirme. Donc, la pluie, voilà. C'était bien. Ok, ben super, moi ça me fait vraiment plaisir en tout cas de vous avoir ici dans les studios et puis de pouvoir, pouvoir discuter de vos projets, c'est vraiment, merci à vous en tout cas, merci. Ben, merci pour ce que vous faites. Moi je fais un petit coucou à ATS, donc à Johan qui est pas là, à Christine, qui sont à l'écoute, à Pascal, mais ils doivent nous écouter, donc un gros bisou à eux. Et à Jean-Christophe aussi, et on puis, ne l'oublie pas Jean-Christophe, ça reste toujours le membre de cœur. Ah oui, puis Jean-Christophe, voilà. Également. Et également Olenka, donc je pense qu'ils doivent peut-être nous écouter, ouais. Donc on les embrasse bien fort et on se voit samedi. On va en passer du Olenka justement, on va se... Quel enchaînement. Ça n'a même pas travaillé, ça n'a même pas été répété. Là, c'est il fait des... T'as vu, j'ai vu Olenka, Olenka c'est mort. Ouais, d'accord, ok. Attends. Je vais me faire embaucher par Boomerang, j'imagine. Ah, faut que tu passes par moi, je suis le président. Ah bah écoute. Mais t'as une voix radiophonique, donc c'est bien. Bon, t'as écoute. Pas un profil de radio, mais t'as une voix radiophonique. Ah oui, est-ce que c'est vrai que moi j'ai plus un profil pour passer à la télé? Non. T'as vraiment un profil de scène, tu vois. Moi sur scène, je ressemble à rien, mais voilà. Du haut de mes 1m20. Mais si, tu es beau. Oui, faut le dire, quoi. On va prendre une photo, on va le mettre sur le net. Ben oui, mais tu sais, quand on prend mes photos, je monte toujours sur la marche supérieure, parce que généralement, les invités sont plus grands que moi. Ouais, là, c'est vrai qu'il faut le coup, évidemment. Vous me voyez, là, derrière le pupitre, hein, les deux mains qui sont en l'air, c'est moi. on va parler de l'NK, mais comme ils sont pas là, ben, on va pas parler d'eux. Non, si, je déconne. Ouais, je vais compter sur toi, là-dessus, Thérèse. Ben, bah, bien sûr, hein. Alors, Olenka, une formation de Limoges. C'est pour ça qu'ils sont pas là ce soir. Et bah oui, exactement, on les salue bien, forcément. Mmh. Qui ont commencé à peu près, je pense, en 1999, donc c'est pas tout récent. Qu'ils ont bien tourné aussi de leur côté, hein, forcément. Olenka, que dire, à part que c'est un coup de cœur, voilà, que j'ai découvert cet été chez Johan, toujours chez ATS et chez ma sœur. Et ils m'ont fait écouter, ils m'ont dit, bah écoute, on a quelque chose de sympa là, regarde, écoute. Et puis effectivement, je suis tombée sur le charme de la voix de Élise. Mmh. Voilà. Petit clin de moi, c'est ça? Non, de Élise. Ah, monsieur fait partie des deux groupes, ah oui, on va s'y perdre. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et puis on dit, bon, ce serait bien de les faire venir, voilà. Et puis petit à petit... Just Like Heaven est arrivé maintenant. Oui, on parle déjà de demandes, notamment. Ouais. Donc, prochainement, on a Farba Kingdom, hein, des Pays de l'Est, hein, ils seront programmés aussi. Mm-hmm. Et puis, en octobre, un groupe allemand, je n'ai pas le nom en tête, mais bon, c'est déjà pas mal de choses. Moi, je prends, les idées sont bonnes à prendre. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'en plus, tu pourrais. Je suis sûr, avec Bruno Crème. Oui. Ouais, je pense qu'il n'y aurait pas de... Non, non, il n'y a aucun problème. Il n'y aurait pas de problème. Puis si jamais... On a déjà posé ensemble donc, pour des photos. Puis voilà. Pas de soucis, oui. Bon, ouais, puis tu connais Fred de Daguest. Ouais, voilà. Voilà, donc, voilà, c'est bon. Ça y est, on a un concert, a un festival qui va durer 15 jours. Ah ouais, c'est un peu comme chez les Polonais, hein, les mariages, ça dure une semaine. Ouais. On reviendra sur la Pologne si tu veux, parce que j'ai aussi un ami polonais. Waouh, enfin bref, allez. On va se passer un titre de Lenka et on reviendra tout de suite après vous faire un petit coucou et puis continuer l'émission tranquillo. Donc j'ai choisi le titre Nomade, mais tu sais pas ce que c'est. Si, c'est le dernier mot, c'est le dernier titre. Hein. Si, quand même, j'ai révisé. Je les appelle entre deux. Alors, et go, c'est parti. Olenka, moi je connaissais pas du tout, ça a été une grande découverte aussi pour moi. Merci de m'avoir fait découvrir ça. Parce que c'est vraiment sympa. Je vous laisse découvrir. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous savez comment ça se passe dans l'émission. Les groupes qui viennent après font forcément partie des différentes playlists que j'ai l'occasion de passer dans l'émission quand je fais des émissions intemporelles. Donc voilà. Donc vous allez réentendre, vous allez en réentendre dans l'année du LNK, du Elise, du LNK, pardon, du Elise et du ATS. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, on verra, on négociera pour passer carrément sur les playlists de la radio. Mais là, bon, après, il faudra me faire un petit chèque à la fin de, de l'émission, si vous voulez bien. On va se cotiser. Pas de chèque en blanc. Que du cash. Allez, Olenka, on se retrouve juste après. Ou si en vous nature, bien. Pour Christophe. Pardon ? Il peut te payer en nature, hein, Christophe. Ah, facile à dire pour les autres. En liquide, c'est mieux, je trouve, qu'en nature. Voilà, oui. Tous les goûts sont dans la nature. Exactement. Allez, Nomade, c'est parti. Thank you. belle découverte, hein, une belle découverte, Lenka. Donc vous n'êtes pas sur Galaxy. D'ailleurs, là, elle est bien placée. À mon avis, il a dû nous rejoindre juste à temps pour entendre ça. Si, là, il est sur Boomerang. Il a compris le sujet. C'est Max. Max. Parce que Max de Elise était en train, depuis trois quarts d'heure, d'écouter Galaxy. Il s'est planté de radio. Mais après, voilà. Chez nous, entre nous, entre gens de la radio, il n'y a pas de concurrence. On aime tout le monde. Moi, j'ai reçu Greg et Walter ici dans mon émission et je vais d'ailleurs faire bientôt une émission avec Greg et Walter aussi. C'est voilà. Parfait. Non, non. On se fait d'ailleurs une petite guéguerre entre nous, enfin une guéguerre mais gentille quoi, parce que quelquefois je reçois des invités pour des promos et lui il les reçoit après, et quelquefois c'est lui qui les reçoit d'abord et moi je les reçois après, alors il fait ouais tu les as eu d'avant, je dis ouais mais tu sais c'est ça la notoriété, moi je cours pas après les artistes, c'est les artistes qui courent après moi. Donc on souhaite la bienvenue à Max. Yes. Il me la copiera. Ah non, mais c'est trop fort. C'est par contre, je vais préciser, ma copine, elle écoute bien Radio Boomerang. Ah, elle a dit qu'elle n'était pas d'accord sur le paiement nature. Donc je suis désolé, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Voilà. Ah, en bah, plus, écoute, je ne sais pas donner de mon tu corps. Tu sais pas ce que tu perds, parce que moi, ça fait 6 ans que je suis célibataire. Donc Ah bah écoute, voilà. Ah, bah, là, voilà. Je suis désolé, madame a tranché. Le message est passé. Le message est passé. Une petite anecdote sur Max. Comme il écoute, il doit se marrer en plus suite à sa bévue là d'écouter Galaxy au lieu de Boomerang. Une fois, il nous avait fait le coup. On est allé jouer à Reims et sur le retour, après une heure de route, il restait plus qu'une heure donc pour rentrer sur l'île. J'ai oublié ma tête d'ampli. Oh putain. Donc il était minuit ou quasiment 1h du matin. Bah, demi-tour, retour à Reims, une heure de bagnole pour retourner sur Reims, chercher la tête d'ampli et voilà. Mais je pense qu'il y en a qui a fait fort aussi une fois. Oui. J'allais dire en fait, ouais. Chaque groupe a son Pierre Richard. Donc Élise, c'est Max et pour ATS, bah, c'est moi. Puisqu'au festival auquel on a participé cet été. Donc voilà, je fais le covoiturage avec Johan, bon, trois quarts d'heure de route depuis chez Johan. Alors je vérifie bien, voilà, j'ai mes pédales board, tout ça, ouais, allez, c'est bon, c'est prêt, on y va. Mm-hmm. Arrivé là-bas, j'ouvre mon coffre, il était entrouvert de 10 cm. Et là, je regarde Johan, je fais, Johan, j'ai oublié ma gratte et ma basse chez toi. Allez hop, retrajet dans le sens inverse. Là, c'était avant, hein, donc c'était pour faire juste au moment de faire les balances. Pour aller chercher, donc re-demi-tour, pour aller chercher la gratte et la basse. Bon, voilà. Chaque groupe a son Pierre Richard. On a trouvé les notes. Voilà. Ouais, je dirais pas Pierre Richard, c'est un peu poussé, mais je pense que tous les groupes ont ce genre d'anecdotes avec eux au sein de leur. Oui. Ouais, chaque groupe a. Moi, je peux vous dire, il m'en est arrivé aussi une fois comme ça. Je vais à un concert et je sors ma clarinette basse et là, je m'aperçois que j'ai pas d'anche. Mmh. Ah, c'est beaucoup plus dur. Donc, j'ai fait tout le concert en faisant du playback. Et on est venu me voir en me disant, putain, qu'est-ce que tu joues bien. Je trouve ça extraordinaire. Comment ne pas faire de fausses. Extraordinaire. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va continuer à parler parce que j'ai un petit souci d'un seul coup avec l'ordinateur. Je sais pas ce qui se passe. Il faudrait que je regarde ça. C'est pas un souci. Donc, on peut continuer à parler. Ouais, mais parce que là, c'est je sais pas ce qui. Bienvenue à vous, chers auditeurs Boomerang. Je sais pas ce qui merde. Pour passer bienvenue, la soirée, Max. Nous passons la soirée ensemble. Vous pouvez nous appeler au 03 pour discuter de vos problèmes. Non, mais alors là je suis vraiment la voix de la nuit. Tu je sais. Suis vraiment inquiet. Là, je suis vraiment inquiet parce que là, j'ai plus rien du tout. Alors, si on passe position, alors je peux même pas passer de son. Je peux rien faire du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter l'émission et puis on va reprendre une fois que l'ordinateur se remettra en route. C'est une catastrophe. Non, mais là il s'est carrément bloqué, je sais pas pourquoi. Ah, je vais essayer de faire ça. Essayer de faire un truc comme ça. Je sais donc, pas du tout. Donc sinon, on peut parler de Just Like Event. Bah oui, comme ça on va en parler. Et les prochaines étapes de Just Like Event, au-delà de manager Élise, Teresa s'occupe de cette superbe association qui vient de naître, qui s'appelle Just Like Event, pour promouvoir bon nombre de groupes français, européens, N'oublions pas Élise, hein, n'est-ce pas, puisque Teresa va, enfin, se charge de, à la dure responsabilité de nous trouver de nouveaux lieux, mais là, mais je m'en charge également aussi, hein, je l'accompagne dans ce travail. Ouais, c'est, ouais. C'est après, pas, trouver des lieux, c'est pas forcément évident. Ouais. Ouais. C'est pas facile de, ouais, d'ouvrir les portes, mais petit à petit, il faut persévérer et il faut commencer tout en bas et puis monter petit à petit, crescendo. C'est une histoire de rencontre, je pense. Et puis après, il faut être crédible aussi, donc il faut jouer, il faut pas avoir peur d'aller écumer les bars. Les petits bars, les petites salles. Les petites salles, ouais. Et ouais, petit à petit, ben voilà, on s'ouvre d'autres portes, on fait des rencontres et puis ça nous amène sur des festivals. Je sais que pas mal de. J'en profite pour dire qu'il y a pas mal de festivals qui commencent à réaliser leur programmation pour l'été prochain. Je parle pas de Glastonbury ou ce genre de festival, hein, on en est loin. mais tout ce qui est festival à notre échelle, vous pouvez nous contacter, vous pouvez contacter Just Like Event pour peut-être discuter avec Teresa, pourquoi pas programmer Élise ou ATS ou Olenka sur l'un de vos festivals. En tout cas, nous sommes prêts, on est plus que prêts, même on est rodé à la chose, donc on attend peut-être vos appels pourquoi pas nous programmer sur votre festival. Ça pourrait être une bonne chose. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup, pas mal de festivals où vous pourriez éventuellement passer, même tous les trois, je pense. Je pense beaucoup aussi. Bon, après, c'est toujours le même principe. Je trouve que dans les festivals, il y a pas mal de festivals dans l'Est qui se passent et qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Parce qu'encore une fois, je trouve que la mentalité est complètement différente de la France. Je me souviens avoir fait des concerts en Allemagne où tu as aussi bien des personnes qui ont 80 ans que des personnes qui ont 4 ans, quoi. Enfin, voilà. Et tout le monde est là, tout le monde découvre, tout le monde danse, tout le monde est content et tout se passe bien. Et enfin, c'est une autre mentalité, je trouve. Là, je trouve que plus maintenant, sur l'île, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais je trouve que c'est de plus en plus bobo maintenant. Bah, beaucoup de lieux ont fermé. Ouais. Beaucoup de cafés-concerts n'existent plus. Ouais. Et ça, c'est bien dommage. Il y a encore quelques-uns qui subsistent. On parle de la Brad Cave, on parle du Bidule, on parle la Bulle Café, ouais, effectivement. Après, on parle tout à l'heure, je parlais du Yeti. Ouais. Il y a encore quelques bars qui acceptent des groupes comme le Charlatan, comme l'Ingénu. Enfin, ils sont quelques-uns quand même encore à subsister, mais ça devient de plus en plus compliqué. La France, effectivement, au sens large du terme, ça devient un peu compliqué. Après, il faut se déplacer sur Paris. Les entrées pour jouer sur Paris, c'est aussi ça devient aussi compliqué parce que des groupes, il y en a à foison. Il faut se faire une place. Donc, pourquoi pas s'exporter? C'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi l'anglais plus que le français? Ben ouais, pour aller taper aux portes de l'Allemagne, aux portes de la Pologne, aux portes de la Belgique, des Pays-Bas, l'Angleterre même. Peu importe, mais il faut se donner les opportunités. Il faut s'offrir les opportunités. J'y travaille sur la Pologne avec le Wrocław Festival Industriel. Donc voilà, je suis ouais, donc nous on est open, hein. On est ouvert, on a la chance d'être frontalement de pouvoir complètement bouger plus facilement. Alors je parle pour ma paroisse, hein, pour Élise, puisque Élise n'est pas un groupe forcément dark, ce que je dis à chaque fois, on n'a pas franchement d'étiquette, on peut s'adapter à n'importe quel festival. Autant un festival goth qu'un festival pop rock, on a notre place au sein de ce genre de programmation. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour vos salles, pour vos festivals. On est prêt, on est là. Il y a un album qu'on va promouvoir également. Donc bientôt dans les bacs. Je suis vraiment là. Je vous explique pas comment dans quelle merde je suis. je te jure que c'est pas ça, c'est vraiment une catastrophe, un ordinateur qui plante, mais j'ai enfin putain, c'est tout quoi, c'est tout, on va y arriver, hein, vous inquiétez pas, on va y arriver. Mais c'est les aléas du direct. Ouais, enfin bon, elle est longue, ça saoule, quoi, tu vois ce que je veux dire. On parlait des artistes qui sont des Pierre Richard, mais je pense qu'ici aussi, on a un Pierre Richard. Non, non, parce que la technique, tout le monde peut être confronté à un ordinateur qui plante. Il faut être solidaire, je pense. Donc, c'est ça, la technique moderne, effectivement, on peut être... amené à être confronté à ce genre de problème. Ouais, et puis là, bon, vive Windows 11, hein, puisque l'ordinateur est en Windows 11, et depuis qu'on est passé en Windows 11, et ben ça merde tout le temps. Donc je trouve ça extraordinaire. Là, j'ai un Asus, je sais même pas comment il s'allume celui-là. Alors, si peut-être... Ah oui, c'est peut-être un bouton qui s'appelle comme ça. Voilà, alors, c'est bon. Tout à l'heure, on parlait des... Entre nous, on parlait des influences de chacun... Voilà, ouais. Est-ce que peut-être Christophe va pouvoir nous parler des influences qui l'ont, lui, personnellement, amené à la basse, et peut-être parler des influences des autres qui nous écoutent, qui ne sont pas présents ici avec nous, mais qui nous écoutent. Oui, alors, l'influence qui m'a amené à la basse, pas vraiment. Alors, mes influences musicales, de manière générale, sont très, très new wave. Voilà, j'ai grandi dans les années 80, alors... New Wave, en partant vraiment New Wave très commercial. Hein, bon, bien sûr, je reste toujours fan de Depeche Mode, notamment. Et voilà, en creusant un petit peu, comme je l'expliquais tout à l'heure, bah, on découvre d'autres types de New Wave, des groupes qui sont moins connus et qui méritent de l'être. Et c'est ça qui est intéressant. La basse, je m'y suis mis un petit peu par accident, puisque dans un autre groupe où je joue, on a perdu notre bassiste, donc j'ai pris en main cet instrument. Mm-hmm. Mais du coup, c'est vrai que on s'intéresse un peu plus aux bassistes qu'on peut entendre dans certains groupes. Et oui, maintenant, j'ai des influences sur certains groupes où la basse est très présente, où le jeu des bassistes est juste sublime. Là, on n'est plus du tout dans notre style musical, on est plus sur le style même hard rock metal. Je pense à des personnes comme Steve Harris de Iron Maiden... ou à Robert Trujillo de Metallica, mais voilà, ce qui n'empêche pas que voilà, on fait quand même de la basse pour ATS, un petit peu même pour Elise des fois, ça peut arriver. À voir. voilà. Tu fais partie d'un autre groupe également. Non, j'ai un autre bassiste. Oui, je joue avec des collègues de travail en fait. On a constitué un petit. Alors bon, voilà, avec les aléas de la vie professionnelle, avec les départs, les arrivées. Alors, petit clin d'œil, notre groupe s'appelle du coup Job Division. Donc, petit clin d'œil assez sympa quand même. On a un logo très sympa qui reprend un petit peu le logo de Joy Division, mais bien sûr pas exactement le même, hein, mm-hmm. avec une petite cravate pour bien marquer le monde du travail. Mm-hmm. Mais on n'est pas sur la composition, on est sur de la reprise. D'accord. Reprise plutôt pop-rock, Muse, Placebo... du Sting, enfin voilà, là on a un registre beaucoup plus large. De cover. Si mes collègues, voilà, on est vraiment que sur du cover. Mm-hmm. Et voilà, c'est pas du tout ce que je joue, enfin ce que je reprends comme ligne de basse sur notre groupe où on est sur du cover. Voilà, c'est des lignes déjà écrites. Mm-hmm. Avec ATS, c'est autre chose, c'est des lignes plus simples, mais que j'ai l'occasion de composer entre guillemets, enfin. De reprendre, parce que les morceaux qu'on interprète, c'est des morceaux qui existent déjà, donc je reprends les lignes musicales qui ont été créées à l'époque, soit par Pascal ou Jean-Christophe, et voilà, j'adapte ma basse dessus, mais c'est un exercice qui me fait autant kiffer que de faire oui, un cover. Oui, c'est sympa, ouais. Mmh. J'ai retrouvé du son, j'espère. Donc on va passer un titre de ATS qui s'appelle Order. Oui. Je suis vraiment désolé de ce petit contretemps, mais voilà, c'est quelquefois ça arrive. J'aime pas quand ça arrive parce que ça me saoule. Voilà. Et je comprends très très bien. En tant que président, je crois que l'ordinateur va bientôt dégager à travers la fenêtre. Ce soir peut-être, je ne sais pas encore. En tout cas, j'espère que ça va passer. On va tout de suite voir ça si ça marche, mais normalement ça devrait aller. Alors, vas-y, roule. c'est périlleux, mais on y arrive. Waouh, waouh, waouh. Bon, 13 EBM. Oui, oui, oui. Alors, Order, ce sera un des morceaux qui sera sur le prochain album que va sortir ATS. Donc, c'est un album aussi qu'on a en préparation. Mm-hmm. On a à peu près déjà une dizaine de morceaux qui sont bien écrits. Donc, Order en fait partie. Ouais. Alors, même si on a tous les 4-5 avec JC, l'idée de donner une orientation plutôt Cold Wave à l'album, ouais, d'après les morceaux qu'on a déjà écrits, il y aurait effectivement cette teinte BM avec ce morceau-là, Order notamment. Qui ressemble très fort à du Skinny Puppy. Voilà, exactement. On nous a déjà fait cette remarque-là. Exactement, mot pour mot. C'est assez hallucinant. Parce que le fameux album Brap, c'est vraiment, vraiment comme ça, quoi. C'est vraiment un truc qui frappe. Voilà, mais encore une fois, tu vois, je n'aime pas beaucoup comparer des groupes par rapport à d'autres groupes. Je comprends qu'il y a des influences. Oui, mais on le fait quand même toujours un petit peu inconsciemment, donc c'est pas... Mais voilà, pour moi, tu vois, quand j'écoute du Skinny Puppy, j'écoute du Skinny Puppy. Quand j'écoute du ATS, j'écoute du ATS, quoi. Il y aura certainement une petite nuance sur Order, puisque c'est un morceau qu'on m'a demandé de travailler assez récemment, qu'on aura l'occasion de jouer le samedi prochain, où je vais apporter une nappe de guitare électrique dessus. Donc d'accord, ça va peut-être un petit peu... Ça va peut-être aussi donner encore une autre... couleur, peut-être. À certains morceaux de l'album. Bon, la basse, c'est déjà autre chose, mais quelques morceaux où il y a des nappes de guitare électrique, ça peut-être donner sur certains morceaux une petite tendance électro-rock. On verra bien un petit peu le rendu. Là, on est en train de travailler dessus. Il y a donc les deux, un ou deux parfois instruments ajoutés, basse ou guitare. Pascal a déjà fait un gros travail sur, notamment pour préparer les concerts, à retravailler les pistes déjà existantes, puisque je suis venu me greffer après coup, où il a atténué la basse pour justement laisser le spectre de la basse, vraiment musicale, se greffer. Voilà, on va voir. Mais du coup, c'est aussi hyper intéressant pour nous. Ça fait diriger un petit peu la tendance ATS vers de la nouveauté. C'est super riche, c'est super intéressant. Mais tout à fait. Mais c'est vraiment vraiment quelque chose que j'ai pas vraiment de mots, mais je suis vraiment très heureux de vous avoir pour justement ces découvertes qui sont vraiment on connaît quelquefois, tu vois, le nom des groupes comme Élise, comme ATH, je connaissais, mais on connaît comme ça, quoi, tu vois. Mais dès qu'on commence à foutre le nez un peu dedans, on se dit waouh. J'ai découvert aussi Olenka, j'ai découvert au travers. Tout à l'heure, on en parlait. C'est vrai que Johan et Christine sont quand même des vecteurs au niveau musicaux. Ils font découvrir beaucoup de groupes. En tout cas, moi, ils m'ont fait découvrir beaucoup de groupes. Olenka, encore très récemment. Tout à l'heure, on parlait hors antenne de Philippe et Antoine d'Ensofor. Moi, je j'adore ce qu'ils font et je l'ai découvert à travers de Johan et Christine il y a cela quelques mois. Ouais, et Philippe aussi, hein, pareil sur scène. Il est habité. Oui. Hein. Oui. Il nous écoute là, attention. Très certainement. Je déteste Philippe. Je sais que on l'embrasse bien fort. Oui, c'est un amour. T'as eu de la chance, Philippe, quand t'as fait l'émission, ça n'a pas merdé. Mais c'est vrai que il m'avait dit, tu viens me voir après le concert, etc. J'avais dit oui, pas de souci. Il fait, mais ne t'inquiète pas, hein, si je ne te reconnais pas tout de suite, c'est que je suis encore dans ma bulle. J'ai dit ouais, t'inquiète, y a pas de souci. Et c'est vrai que quand il est sur scène, il est habité, quoi. Oui. Il est vraiment habité par ce qu'il fait, et puis même Toy, hein, c'est. On voit vraiment qu'ils sont très très très complices. Ils sont dans leur musique. Ouais, très complices. Philippe, il chante et il vit les paroles. Et même chose avec Antoine, avec sa guitare. Il faut les voir sur scène. Ouais, absolument. Il faut les voir sur scène. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'ils ne tournent pas assez dans la région. Non, on va s'en occuper. Just like ever. Non, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup sur la région parisienne, énormément. Et là, ils ont répondu présent pour un tribute qu'on va organiser d'ici un an. Un très beau tribute hommage à Daniel Darc. Ah oui. On travaille avec, avec ma frangine dessus. Et donc, il y aura bien sûr Enzo Faure qui sera invité. Parce qu'ils ont travaillé avec, avec les. Après, ils avaient travaillé aussi avec l'année de Marc Seberg. Oui, aussi. Tout à fait. Pascal. Voilà. Pascal, voilà. Oui, on embrasse aussi. Donc, voilà. Bon. Et, mais voilà, après Daniel Darc, ben ça aussi, hein, c'était. Une grosse période aussi pour moi, c'est un peu j'ai même le mini LP de Taxi Girl avec le fameux rond au milieu qui représente le film c'est quoi ce film, un film des années 50 qui a été ensuite revu et corrigé par Carpenter. Ouais, ça me reviendra, c'est pas grave, de toute façon c'est pas le but du jeu, c'est pas le but de ce soir, mais mais c'est voilà. Et puis bon, après aussi hein, il a fait des choses aussi en solo qui étaient vraiment pas mal, quoi. C'était sympa. L'ordinateur commence à se mettre en route, c'est bien. Ça chauffe à mon avis, c'est parce qu'il fait trop froid dehors, à mon avis. C'est marqué Windows Diesel. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Je comprends mieux. On va passer un titre de Elise, si ce cher monsieur veut bien. Tu parles de moi. Quel bel homme. Merci. Faut le voir sur scène, hein, vraiment. Merci, ouais, j'arrache la chemise sur scène. Yes. Il en donne un morceau à toutes les femmes qui sont présentes. Ah ouais, d'accord. C'est notre Jean-Luc Lay. D'après Johan. Voilà, exactement. Et on a des vidéos pour le prouver. Notre Jean-Luc Lay. Si, sur des soirées karaoké. Faut faire attention. Comment ça balance? Parce que Jean-Luc Lay, il a mal terminé. Moi, ce que je veux dire, c'est que celui qui a arraché sa chemise pour jeter au public, c'était Claude François. Voilà, Claude François est ma référence et mon influence première. D'accord. Faut le savoir. Non, je plaisante. Celui qui bossait chez Casto, c'est ça, c'est ça. Ouais, peut-être. Ouais. Non, ça c'était pour le voir dans le film Podium. Ouais. Je crois. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il passe le film ce soir, si j'ai pas de bêtises. C'est vrai? Oui, oui. Putain, t'es bien informé. On voit ceux qui regardent la télé, qui regardent TF1. Donc Max, tu as le choix entre de regarder la télé. Max a le choix de soit écouter Radio Galaxy, soit de regarder Podium. Mais ça va être sympa, hein. Ça va être bien. Donc les deux. Ou les deux. Donc In This House, qui sera sur l'album. Mm-hmm. Donc pareil, c'est un titre qui a été qui est composé par Max, qui nous écoute. Et dessus, bah, effectivement, j'écris le texte, je greffe ma voix dessus, et puis voilà ce que ça donne. Ok, tu veux parler du contenu ou tu veux en parler après l'écoute? Du contenu de la chanson? Oui. Ça parle de cette maison qui est cette maison universelle qui est la Terre. Voilà, les paroles sont assez succinctes, mais en gros, ça dit qu'on ira tous par disparaître un jour et qu'il est temps de se battre pour préserver notre belle maison. Voilà ce que ça raconte. Donc c'est très très engagé, hein, vos textes, enfin très engagé. Ouais, pas tous, mais effectivement le dernier, ouais. Stranger, solidarité, solidarité sur un... On pense aux autres, on pense de façon... on essaye d'être solidaire avec la plupart et on n'oublie pas le monde dans lequel on est. On en fait partie et on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice et de faire en sorte que ça soit le plus bel édifice qui soit et de se battre encore pour ce monde, pour la vie tout simplement, parce que c'est quel putain de beau cadeau que la vie. Faut en profiter au maximum, c'est ce qu'on essaie de faire et de partager et de véhiculer les messages qui vont avec. Donc In This House en fait partie, comme tous les titres de l'album, donc ça encore une fois qui s'intitulera Stranger, qui sortira certainement au printemps. Au printemps, au mois de mai, à l'anniversaire. Peut-être. T'es du combien? 14. Oh, putain, je te bats, 13. Ah. Quelle année? Non, hors antenne. Très bon cru, bonne année. Hors antenne. Elle est née en 2000. Et on rappelle que donc Olenka, ATS et Elise seront en concert samedi soir au B-52s. Nous allions, cher ami, donner toutes les informations possibles et inimaginables que l'on va ensuite balancer sur Facebook. Oui, mais j'ai fait le jingle parce qu'il y en a qui peuvent passer, tu sais, juste à l'instant sur la radio, rester deux minutes. Enfin, ils vont rester un peu plus longtemps parce qu'ils ont hâte d'écouter le titre de Élise là qui va passer. Et puis après, ils vont zapper, quoi. Tu sais, on est dans le monde du grand zapping. C'est ça. Déjà, il faut que l'ordinateur se déclenche. Hein. C'est déjà le gros. Mais t'aurais pu chanter en a cappella, ça aurait été bien. Celle-ci, peut-être pas, non, je préfère Stranger, mais une autre, comme ça en Belgique, on peut faire le port d'Amsterdam, de Jacques Brel, dans le port d'Amsterdam. On sera pas loin de stand. Il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent, au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent plein de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Waouh, bravo, bravo. J'aurais préféré le passage et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites. Mais bon, enfin, après, c'est... On va pas la faire en entier. Hein. In this house, Élise, sur le 89.7 FM. On est encore ensemble pendant un bout de temps parce qu'il va falloir qu'on rattrape la demi-heure de merde. C'est parti. Thank you. Voilà, Elise, in this house. Comme voilà, vous regarderez les paroles, vous allez savoir exactement aussi de quoi ça parle, je suppose. Mais l'album que vous allez sortir, ça va être une espèce de chronologie musicale ou alors une espèce de poème ou pas? Question délicate. Qu'est-ce que tu entends par chronologie? C'est-à-dire, tu sais, les titres qui se suivent pour avoir un aboutissement à la fin. Ah oui, comme une histoire, c'est ça, oui. Comme un conte. Mmh. Non, ça n'a pas été pensé dans cette optique. Mmh. On va essayer de faire un album avec, enfin, qu'il soit cohérent en fait dans le cheminement. Comme on fait en concert, mais sur l'album, composer un album, c'est particulier, effectivement, il y a les titres, mais il faut savoir où les placer sur l'album. On y réfléchit, c'est pour ça qu'on a encore deux titres, enfin il y aura deux nouveautés, ça c'est une exclusivité Boomerang. Deux nouveautés sur l'album qui s'intituleront The Circle et le deuxième c'est Like a Fire. Rien à voir avec les Doors, mais donc ce sera deux nouveaux titres. On travaille également sur d'autres titres pour les lives 2023. Au global, je pense qu'on aura quelque chose comme 6 nouveaux titres à intégrer dans le set qu'on fait régulièrement. Mais pour revenir à ta question, non, il n'y a pas de cheminement lié à une histoire en tant que telle. Et, par contre, si vous voulez nous trouver sur les réseaux sociaux, je pense que le plus simple, c'est de passer par Just Like Event. Et là, vous allez trouver les liens, parce qu'en fait, si vous tapez Elise sur YouTube ou sur Google, vous allez tomber sur des bagnoles, sur des gonzesses, sur des trucs. Des salons de coiffure. Qui n'ont rien à voir. Ou sur la lettre à Elise. C'est ça qui est compliqué. Sur la lettre à Elise. Aussi, d'ailleurs, le nom Elise, enfin. Est issu d'une réflexion par rapport à la musique, parce qu'en fait Elise on le retrouve dans beaucoup d'œuvres musicales, que ce soit donc celle que l'on connaît avec la lettre à Elise de Beethoven, mais on retrouve également ça chez Gainsbourg, parce qu'en fait Elisa. Et on retrouve également Letter to Elise des Cure, donc voilà, la boucle est bouclée, mais donc il fallait trouver un nom, et je pense qu'Elise est pas mal, mais on n'avait pas pensé à l'époque au fait que ce serait compliqué de nous trouver sur la toile. Donc le plus simple, c'est de revenir à Just Like Event, cette super asso qui nous soutient et qui a pour but de promouvoir un maximum d'événements musicaux. Putain, la promo elle est belle, hein. Merci. Mais pas que des événements musicaux, hein. Il y a des spectacles toujours et des expos. À faire le baptême de l'association, hein. Oui, bien sûr. Les cités les plus folles sont bienvenues, hein. Moi, je vois bien, par exemple, le chanteur de Treponème Pâle en train de réciter du Rimbaud sur du Joel Coltrane, tu vois, des trucs complètement loufoques. Si Marco nous entend, il est bienvenu, hein. Je te filerai aussi l'adresse d'une artiste que je connais, qui s'appelle Blicken et qui fait des super dessins, mais des super choses. Franchement, c'est une tuerie ce qu'elle fait. D'accord. C'est une amie de longue date qui est aussi musicienne et qui fait dans le... Je t'enverrai des trucs, mais je t'enverrai des liens, t'essaierai de la contacter, parce qu'ils font aussi pas mal de choses, pas mal de vernissages, des choses comme ça. Voilà, moi j'adore ça, justement, le côté des performances, où tu as un côté musical et tu as un artiste qui est là en train de peindre une toile, voilà. Donc ça, j'en ai participé déjà à plusieurs comme ça, sur Paris, et c'est vraiment, c'est un peu ce but que l'on veut faire, quoi. Des rencontres de plein de milieux musicaux ou culturels, ou qui n'ont rien à voir, enfin bon... Si, parce que la culture, ça se rassemble quand même, mais qu'on parle de choses complètement différentes, des mondes différents, et qui se rassemblent une fois voilà, sur scène ou bien sur une performance. Bien sûr. Donc c'est un peu le but aussi. Ouais. Voilà. Après, tu pourras regarder aussi sur YouTube, il y a un Australien qui joue avec des morceaux de glace aussi. Ah, super. C'est très sympathique. Ça coûte un peu cher, hein, l'Australie, l'aller-retour. Ouais, mais franchement, c'est particulier. Il fait de la musique avec des bouts de glace. Il se met des bouts de glace dans la bouche et donc il finit la gueule ensemble. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Non, mais après, pourquoi pas des groupes de visual kei, parce que ça aussi, c'est... Ouais, bon, c'est moins mon trip, on va dire, ouais. Mais bon. Non, oui, j'en ai des bien. Ouais, après, oui, mais bon, non, j'ai déjà pas mal de petits projets, là, en cours, avec des groupes, ben, notamment avec les Dark Minimal Project. Hein, donc tout à fait. Ah, hein, mais ils sont partout, non, ah, mais bon, ouais, Guillaume, mais c'est bon. Ce sont des amours. Guillaume, tu fais chier, putain, à chaque fois que j'invite quelqu'un ici, ils font, ah ouais, tu connais Dark Minimal Project? Bah ouais, ouais. Non, je leur fais des gros bisous, je fais des gros bisous à Guillaume, des gros bisous à Orange. Si, on a des beaux projets, oui, pareil, ensemble, on les embrasse. Avec Dragan de X-Mou Syndrome, les Happiness Project qui sont aussi de Limoges, donc voilà, j'en cite un peu, voilà, des petites choses. Puis on a un beau projet, normalement, qui devrait se faire au mois de mai, j'attends toujours la réponse d'une personne que j'espère que ça, voilà, je croise les doigts. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment en parler, étant donné que ça ne s'est pas fait, mais bon, je risque de la choper bientôt sur une scène dans la région, donc voilà, et donc je pense que là on va essayer de concrétiser Chantal l'affaire. Non. Non, ni les farmers, ni non. Mimi Mati live avec le haut la gaffe. Waouh. Trop fort. Non, non. Rémi Jean-Luc Lahaye. Rémi Brica et Jean-Luc Lahaye dans un duo. Non, c'est le... Ah, mais pourquoi pas, hein, moi je prends. Hein. C'est la chanteuse dont tu m'as parlé au mois de mai pour la Brad Cave, c'est ça. Voilà, exactement. D'accord. OK, moi je suis au courant. Donc je vous dirai pas pourquoi. Non, il y a quelques-uns très proches qui sont au courant, mais très peu de personnes. D'accord. OK, je pourrais le savoir. Effectivement, ça serait en français, oui, il y a pas de souci. Ça serait je te promets, je serais muet comme une tombe. Ça serait une belle affiche. Oh là, t'es dans une radio, muet comme une tombe. Ah si. Non, mais tu sais, quelquefois j'ai des avant-premières et la première question que je pose au groupe, c'est de dire est-ce que je peux le passer avant qu'il sorte ou pas ? Parce que je trouve que voilà, je peux te dire j'ai des mix dans mon disque dur de Nicolas, donc Nicolas qui était Nicolas Sirkis. Non, je fréquente pas Nicolas Perrac. Non, ouais. Après il y avait Nicolas Sarkozy, mais moi bon, c'est encore une fois chose. Mais Nicolas qui était qui était claviériste pour qui a joué pas mal de fois avec Daguest en concert, il m'a fait toute une série de mix, il m'a dit mais tu les passes pas, ça fait presque 5 ans que j'ai les mix, je les ai jamais passés. Jamais. Et c'est des trucs que je garde pour moi, que je passe peut-être en soirée, mais quand on fait des soirées entre nous, quoi. Mais ces mix, ils sont jamais passés à la radio. Parce qu'il me l'a demandé, et puis c'est tout, je le respecte, quoi, tu vois. Le jour où il me dira, vas-y, passe, je les passerai. Surtout qu'il y a des mix de Dépêche Mode, putain, mais pff, des tueries, quoi. Enfin, bref. Il est où le coffre-fort avec tes mix, là? Là. Ok. C'est l'ordinateur qui plante, en fait. Non, ça, c'est le disque dur qui plante pas. Ouais, non, mais voilà, je crois que aussi il faut avoir du respect pour quand on a des nouveautés comme ça, ben oui, ça fait plaisir de les avoir. Et puis de dire, bon, après, moi, je te parlerai aussi d'un truc, mais hors antenne, parce que je peux pas en parler non plus à l'antenne. Mais quand tu apprends des choses comme ça, moi j'ai appris ça le jour de mon anniversaire, je peux te dire, tu fais, oh putain, t'en parles à personne? Non, t'es sûr, je peux pas? Non. En tout cas, c'est génial. On va passer un titre de Olenka. Avec plaisir. Alors, je vais essayer avec l'ordinateur qui est là. Si jamais ça marche pas, j'ai déjà prévu l'ordinateur qui est là. Architecture. Allez. Olenka en concert samedi soir, donc encore une fois, en Belgique, au à Ichtegen, au B52. C'est pas loin d'Ostende. Alors, si vous avez le courage de Lille, ça est à 3/4 d'heure. Voilà, encore une fois, déplacez-vous, allez voir les groupes sur scène. C'est primordial, quoi, pour que vive la culture et encore une fois pour profiter pleinement de ce que donnent les groupes en live. Et acheter du merch aussi. Ah oui, ça fait et acheter du merch, parce que ça, on l'oublie souvent. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, non, mais tu te rends compte, ma place, je l'ai payée 20 balles ou 30 balles ou 40 balles. » C'est pas là-dessus que les artistes vivent. Hein. Et puis là, sur OB52, c'est quoi? C'est 10 euros l'entrée. C'est vous cher. Avez Élise, ATS et Olenka. Pour ce prix-là, c'est quand même... C'est cadeau. Cadeau, ouais. Bah, trois groupes plus la bonne ambiance, parce que l'endroit, on m'a dit que ça ressemblait, enfin ça faisait penser un peu à ces pubs, enfin ces endroits des années 80, très underground, un peu à l'anglaise, donc ça mérite vraiment le déplacement. C'est pas le 100 clubs, mais pas loin. On n'est pas loin. Allez, on essaye de passer ça sur l'ordinateur là, sinon on passera sur l'ordinateur de gauche, mais on va essayer l'ordinateur de droite. We'll be right back. Il faut toujours laisser le morceau aller jusque la fin. Les créateurs ne se sont pas cassés le cul à faire des morceaux de 4 minutes 50 pour qu'on n'en passe que 3 minutes 20. Oui. Quoi qu'on était emmerdé dans les radios dans le temps. Oui, oui. Parce oui. qu'on était limité. Hein, c'était très limité dans le temps. C'était 3 minutes. Le format, c'était 3 minutes. Oui. Encore heureux que ça a changé. Parce que maintenant, voilà. Retour sur Radio Boomerang avec un ordinateur moins que moi. Avec. ATS et Lee et Reda de Just Like Even. On repasse un petit peu de ATS. Alors j'ai un titre que. Mais j'avais bien kiffé ce titre. Je voulais Action P4. Ah oui. J'adore ce titre. J'adore. Ouais, donc, franchement, j'aime bien. Titre préféré aussi. Tu vois, je pourrais faire partie du groupe. Cherchez pas une clarinette, par exemple. Écoute, faudrait proposer ça à Johan et Pascal. Moi, personnellement, je suis complètement ouvert. Voir si c'est dans leur kiffance, pourquoi pas. Ouais, je peux faire tout ce que tu veux. Enfin, à la clarinette, je parle pas à autre chose. Il y a des choses, si tu veux, sur lesquelles où je ne fais rien. Et je pour parler, oui, Action P4. J'ouvre une petite parenthèse pour parler d'ATS, voilà, parce que je connais très bien Johan, parce que ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on est amis, et c'est pas parce que c'est mon ami que je dis ça, mais ATS est vraiment à voir sur scène. En fait, le cœur, enfin l'âme du groupe, c'est Johan. Il compose, il écrit de très beaux textes, et sur scène, il est vraiment habité. Il a une prestance, même en répétition, même quand il est tout seul avec son micro, dans son bureau là, répété, je l'ai vu cet été, je l'ai vu dernièrement encore, c'est fabuleux. Enfin, il a quelque chose, il est vraiment habité ce gars-là, par ce qu'il fait, il est passionné, mais au-delà d'être passionné, il vit vraiment sa musique. Mais tout comme toi, Sam, en fait, il vit aussi sa musique, ce qu'il chante, etc., hein. Ouais, effectivement, je pense qu'on se rejoint là-dessus, mais enfin voilà, c'est juste pour dire ça. Et allez voir donc ce groupe, allez voir ATS en live. Et j'espère aussi qu'ils auront un putain de son. Et vraiment, c'est à découvrir quoi. Si vous ne connaissez pas, là on entend des titres, mais en live ça vaut vraiment le détour. Et le chanteur charismatique qui est Johan Ruchalski vaut vraiment le détour quoi. Et le bassiste est extraordinaire, faut quand même le signaler. Et aussi Christine hein, qui fait une apparition sur scène, scène ouais. Et qui a quand même son importance. Tu fais du pole dance, non ? Non. Pas encore, elle pourrait, vu le corps qu'elle a, elle pourrait aisément faire du pole dance. Franchement, elle n'a pas à rougir. Puis quand elle serait pas là, c'est pas grave, la frangine prendrait sa place. C'est ouais. pas, voilà, c'est on pas verrait gênant. Pas la différence. Voilà. Elles l'ont déjà fait hein, cet été sur un festival que je ne nommerai plus, que je ne nommerai pas, que je ne nommerai plus jamais d'ailleurs, où on a joué également au mois d'août. Elles sont montées sur scène avec. Il y a que toi qui es monté sur scène avec Gogol Premier. Ouais. Ouais. Pour ceux qui ça parle, Gogol Premier, quand même, c'est une référence des années 80 dans le milieu punk. C'est quand même quelque chose. Et là, ils reviennent en force, quoi. Mm-hmm. Ils sont encore en activité. Et notre charmante Teresa est montée sur scène avec Gogol Premier. C'est quand même quelque chose, quoi. Oui, bien sûr. Moi aussi, je suis pas monté sur scène, mais j'étais devant la scène. Et en 88, en Suisse, c'était assez particulier, puisque juste en face de la scène, il y avait des matelas. Ça niquait à tout va. Mais ça niquait à tout va. Mais quand je dis niquait à tout va, ça niquait à tout va. Les débuts de concert avec des... Lui, il balance des pains en forme de phallus. Je trouvais ça quand même assez rigolo. C'est exceptionnel. Mais, encore une fois, c'était les bonnes périodes. Ah oui. Voilà. Monsieur a changé, monsieur est peut-être mal vieilli, monsieur ne... C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, j'ai failli l'avoir ici. Mais seulement, ben c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, et puis... Mais cela dit, oui, j'ai toujours l'album Encore Pire, l'album... Des conseillers aux personnes sensibles, après... mais voilà, je trouve que si tu veux, dans ces années-là, il y avait cette espèce de de revendications, et il fallait oser quand même faire mettre sur un album, mettre Jean-Cul, Adolphe Mon Amour. Mm-hmm. Il fallait quand même le faire. C'était quand même pas forcément évident. Je veux dire, tu prends même les Berus, aller à l'Olympia et puis de dire si vous laissez pas rentrer tout le monde, on fait pas le concert. Et terminé par un joyeux merdier sur scène en chantant « Les jeunesses emmerdent le Front National ». Mais à l'époque, on pouvait le faire. Maintenant tu dis simplement le mot « juif », t'as 36 associations qui c'est disent... vrai. C'est ça. Tu vois, pour parler de ces années-là aussi, après je vais clore le truc et puis on écoutera le titre. Mais... ne serait-ce que Canal+, regarde ce qui se passait sur les nuls, regarde ce qui se passait avec Gildas, avec voilà, ce qui se passait sur ce truc. Ah bah aujourd'hui, on est dans un monde aseptisé, complètement. Tu vois pas ? Et on retrouve dans n'importe quoi. Dans les années 80, c'était les années Coluche. Oui, tout simplement. Coluche Info, oui. Pour résumer la chose, Coluche Info, quoi. Enfin, écoutez sur YouTube Coluche. Vous verrez ce que c'était que... Des proches, effectivement. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Enfin, des proches, de Vos. De Vos. Et quand on regarde un clip, même maintenant encore à la télé, peu importe l'artiste, dès qu'il y a un geste déplacé, ou même que, voilà, dans le clip, on voit quelqu'un avec une bouteille à la main, on voit que l'image est brouillée. C'est limite des fois des clips, ouais. C'est limite du porno, quoi. Enfin, donc c'est une vulgarité. En fait, aujourd'hui, c'est devenu vulgaire. Avant, c'était des débordements qui étaient très classieux. Il y avait de la classe, quoi. Mmh. Aujourd'hui, les débordements, c'est vulgaire, quoi. C'est du billard, c'est de la merde en boîte. Ce que tu vois, enfin, je vais pas commencer à rentrer dans ce genre de discours. Tu peux, je t'expliquerai pourquoi après, mais tu peux. Mais quand tu entends certains rappeurs déblatérer leur merde à tout va et qu'il y a des gamins de 10, de 10 balais qui écoutent ça en boucle, et quand tu vois ce qui se passe sur TikTok, sur les réseaux sociaux pourris, les réseaux sociaux sont quand même intéressants à certains égards, mais la plupart du temps, les jeunes vont sur des choses complètement immondes que je nommerai même pas, que moi je n'ose même pas regarder. C'est un abrutissement sans fin, quoi. Ça, c'est un truc qui ramollit le cerveau, et c'est des gamins qui sont confrontés à ça, et là on ne dit rien. Par contre, à l'époque, effectivement, si aujourd'hui Coluche existait, ou si encore aujourd'hui comme ça des proches existaient, on leur ferait la misère, quoi. C'est complètement on va balancer des trucs, effectivement. C'est une forme d'hypocrisie, c'est de l'hypocrisie complète. Et on ferme les yeux sur ces choses parce qu'en fait ça rapporte du pognon à certains, et là où il y a des vérités à dire, on se dit non, là on va faire la censure et limite des condamnations. C'est du n'importe quoi. On ne peut plus rien dire aujourd'hui sans éveiller des associations, sans qu'on ait quelqu'un au cul qui nous dise « Non, il ne faut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, mais on peut faire voir ça dans ce cas. Mmh. » Bah ouais, on peut faire voir de la merde à des gamins. Ça, c'est pas un problème, quoi. Et ça ne se limite pas au niveau culturel de la musique et du visuel. Et après, on ne s'étonnera pas qu'il y ait de la violence permanente, ambiante, dans les collèges, dans les écoles. Et voilà, et ça continue. Et ça, non. Par contre, ouais, on aime bien aller matraquer les manifs pour défendre ses droits. Ça, il n'y a pas de problème, quoi. Mais interdire certains réseaux, certaines vidéos sur des TikTok ou autres réseaux de merde, ça, on ferme les yeux, quoi. On a le droit. Oui. Et ça, stop, quoi. Enfin, bref. Tu sais, moi, je suis un antifa de première. Et sur Facebook, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des invitations, tu vois. Mais forcément, avant de répondre oui, je vais regarder toujours un peu le profil. J'ai signalé, je sais pas combien de profils sur Facebook. Ils sont toujours là. Hein. Ah oui, non, mais t'as beau faire. Ils sont toujours là. Et alors, pour la petite information, on avait une autre émission ici à la radio que je faisais avec un pote qui s'appelle David, que je fais des gros bisous dans sa Bretagne profonde. On avait une émission sur le punk hardcore et on avait deux chroniques qui étaient Le Coup de Gueule et la deuxième c'était 37 secondes contre les FAF. On balançait tout, on a tout balancé sur Aurélien Verhaeghel, sur la Citadelle, sur Marine Le Pen, sur tout le staff. Et on a eu des coups de fil anonymes, des mails anonymes. Ils sont jamais venus. Hein. Mais nous, on avait notre photo à la Citadelle dans Les Hommes à abattre. Donc je trouve ça très bien, quoi, si tu veux. C'est très noble de leur part. Hein. À la Citadelle, c'est bien. Ah bah oui, vous êtes célèbre. Ben voilà, ouais. c'était gentil. On leur a proposé plusieurs fois de venir ici et de discuter calmement entre gens sérieux. Mais voilà. Mais entre gens sérieux, tu appelles ça des gens sérieux, des gens qui n'ont pas de cerveau. C'est même pas, ils sont même pas nommables, non, ces gens. Entre gens sérieux, je me comprends quand. Oui, je comprends. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, s'ils se prennent entre gens courageux et qui assument leurs propos. Voilà, tu vois, voilà, moi je veux bien dire, on va vous faire la peau, mais viens me le dire en face, quoi. Me le dis pas sous couvert d'anonymat sur un mail ou sur un SMS que voilà. t'as même pas le cul de faire voir ton numéro. Faut que tu caches ton numéro. Bah vas-y, c'est quoi, vas-y, mais dégage, quoi. Puis alors, on leur a déjà dit, hein. Enfin, on leur avait dit, venez faire un tour ici. Ah, au fait, on est à Roubaix. Vous allez peut-être pas aller très loin, mais enfin voilà, mais c'était pour la petite histoire. Mais c'est vrai que maintenant tu peux plus rien dire. De toute façon, la bêtise a libre cours sur la toile. Et puis pour revenir à la musique, quand tu entends tout à l'heure, je parlais de rap, enfin bref, de ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur les ondes, quand tu entends un Gugus clamer, la CB dans ta chatte ou genre de truc, et que ce sont des gamins qui écoutent ça à tout va, elle est belle la culture en France. Qu'est-ce qu'on privilégie ? Des groupes underground ou des groupes qui demandent qu'à émerger ? On donne du pognon à ces gens-là ? Ou on continue de produire de la merde et des gens qui déblatèrent des saloperies à longueur de temps dans leurs chansons de merde ? Ça, c'est juste pas possible. On est quand même dans le pays où qui a vu naître Baudelaire, qui a vu naître Voltaire, et on en arrive aujourd'hui à écouter des insanités au travers de ce qu'on appelle de la musique sur Énergie ou je ne sais quelle radio de merde. Stop, quoi. Stop. Ouais, arrêtez. Défendons la culture, merde. Et à côté de ça, tu vois, moi j'ai reçu ici un rappeur qui démarre, qui fait des textes. Voilà, il fait les textes, c'est du vécu, c'est ce qui... Ah, j'ai rien contre le rap, mais non. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais comment il galère ? Ah bah c'est clair. Il galère, quoi. Enfin, il y en a qui ont des choses à dire, de belles choses. Il y a du très bon rap en France. Il y a de très très bons rap, il y a de très bons auteurs. Mais on fait toujours la part belle à du R&B de mauvaise classe, de mauvaise gamme. On est comme dans les actualités, c'est qu'on nous donne à bouffer de la soupe, hein, c'est tout. Et pourquoi on fait surtout la part belle dans ces cas-là à tout ce qui est bankable. Voilà. C'est exactement ça. Des textes comme Élise Wattès, c'est pas bankable, ça rapporte pas du pognon. Forcément, on est dans cette optique, que ce soit là-dessus ou sur d'autres domaines, où il faut absolument rentabilité, rentrer le plus de pognon. Et bah malheureusement, la culture est aussi tombée là-dedans. Et voilà, c'est ce que dit Sam. C'est ce que cherchent les maisons de prod. Ils regardent pas ce que tu fais, ils regardent combien tu peux rapporter. C'est ça. Et on s'en fout que ce soit bon ou pas, et en très peu de temps. Voilà. Et en très peu de temps. Parce qu'en fait, tu peux switcher d'un groupe à un autre ou d'un chanteur à un autre comme on ça. On est jetable. C'est ça. C'est de consommation, ça marche plus, on jette. C'est de la musique de Kleenex. C'est ça. Une fois qu'il est usé, allez hop, on passe à autre chose. Alors je sais pas comment ça se passe à l'étranger, mais moi j'avais eu vent que, par exemple en Angleterre, ils faisaient la part belle justement aux artistes émergents, enfin en groupe pas connu. Ils faisaient même les premières les couvertures des magazines sans être connu pour autant, quoi. Et voilà, voilà ce que moi j'ai vu en Angleterre. En France, c'est pas possible. Donc pourquoi est-ce qu'on veut s'exporter? Ben voilà encore une des raisons. Non, mais je comprends. Mais triste, je crois qu'on pourrait... J'aime tellement la France personnellement, j'aime tellement mon pays, j'aime tellement la littérature, j'aime tellement les grands auteurs, j'aime tellement tout ça, que j'aime tellement la belle musique française. On va faire d'autres émissions, Sam, je le sens bien. Désolé de monopoliser la parole. C'était un coup de gueule. Mais t'as raison. On est quand même dans une radio où on peut encore se permettre, où tu vois, nous on n'a pas non plus les majors sur le dos qui nous balancent leurs trucs et qui nous demandent de passer ça 8 fois par jour. On a encore pour l'instant On ne sait pas comment ça se passe. Et gardez-le autant. Une radio où il n'y a pas de publicité, on n'est pas emmerdé par les publicistes, on n'est pas emmerdé par les majors, chacun mène son émission comme il a envie de l'amener. Et voilà, et ça c'est trop cool. Allez, action P4, action, réaction. Action P4. Oh, s'appelle ATS, messieurs les MSC, Action P4. Voilà. Est-ce que l'Action P4 a une relation avec le P4 de notre cher étendre armé? Pas tout à fait. Parce qu'il y avait, aussi les, il y avait aussi les paquets de cigarettes qui étaient des P4. Ouais. Si non, Johan non. a été réformé P4, non? Désolé, Johan a été facile. Je te laisserai régler tes comptes avec lui. Mais non, mais je l'adore. Comme on dit, les absents ont toujours tort. Non, non, non, non, pas tout à fait. Quand on regarde de plus près le texte, la relation elle est tout autre. Mm-hmm. Elle fait plus référence à une phase d'extermination durant la Seconde Guerre mondiale, donc par les nazis, mm-hmm. et qui là concerne plus les personnes qui étaient handicapées. Au début du Troisième Reich, ils avaient testé la solution finale sur les handicapés. Sur les handicapés qui n'avaient plus place pour eux dans ce monde. Et c'est énorme, enfin c'est horrible, mais voilà. Effectivement très bon titre d'ATS. Oui, oui. Oui, Johan, voilà, toujours ces petites inspirations-là qu'il aime bien faire, qu'il aime bien divulguer. Euthanasie. Euthanasie, voilà. Ouais. Eh oui, cherchez, vous trouverez un jour, quelqu'un a dit. Mais cherchez dans les paroles et puis vous allez trouver les petits messages. Ne vous arrêtez pas sur une première lecture, lisez entre les lignes, ça changera un peu. Ça changera un peu. Élise. Sam. Ouais. Oui. Je te réveille. Non, du tout. Non, je suis apaisé. Je suis apaisé. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Tu t'es lâché, c'est bien. Ouais. Ça me fait plaisir. Tiens, pour reparler de culture en ce moment là, j'ai découvert un bouquin, enfin un livre. Je suis en train de lire un truc là. C'est un des derniers livres de Pierre Lemaître. Qui est exceptionnel, s'appelle Le Grand Monde, et je conseille à tout le monde de lire ce livre parce que c'est un putain d'auteur, quoi. Voilà, ça fait du bien encore de découvrir qu'il y a des gens qui mettent qui placent la culture au plus bel endroit qui soit. Oui, je suis bien d'accord. Donc là, pour tu me demandais pour un titre. Monk the Sound. Oui, The Sound, qui est le premier titre qu'on a composé avec Max, c'était il y a quelques temps, même si le groupe existe depuis de nombreuses années, mais là, la nouvelle formule existe depuis, on va dire, 2 ans, et c'était le premier titre qu'on a mis en place, ça s'appelle The Sound. Ouais, parce que vous étiez 4. Oui, alors il y a une dizaine d'années, on était 4, les deux autres, je pense qu'ils sont devenus, ils sont barrés. Tant pis pour eux. Et on sait, ouais, je dis les choses cash. Hein. Bref, t'as raison. Je règle pas des comptes, hein, je m'en fous. Oui, quoi. Le passé, c'est sûr, le passé. J'ai pas de. Enfin voilà. Mais aujourd'hui, je préfère parler du présent. Et le présent, c'est Max qui compose admirablement les choses, les musiques. Moi, j'ai la chance de pouvoir chanter dessus et on s'entend à merveille. Et puis, The Sound fait partie également de cet album qui sortira au printemps. Que dire de plus sur ce titre? Vous pourrez l'écouter, le découvrir prochainement en live. Voilà. On va l'écouter. On l'écoute en studio. Et aussi, oui, c'est un morceau. Ce morceau, c'est une maquette. Hein, donc, ne faites pas forcément attention à la qualité globale de la chose. Vous le retrouverez sur l'album mixé et masterisé. Voilà. Bien, allez, The Sound, et on se retrouve après. Thank you. a sound into the ground. They call for me when I'm down. They wait for me until I dare. My face is cold and no one cares. They tear on my love. My heart will dive into the arms. My heart will dive into the arms. I need to turn further around, but they hold me deep along. I call your name before I'm down. The sound is like a making blare. They tear on my love. My heart will dive into the arms. My heart will dive into the arms. Grab me and hold me so loud. On the ground is moving so loud. I see hell in the rain of tears, but the sound will come in your voice. They tear on my love. My heart will dive into the arms. My heart will dive into the arms. Hold me away from that sound. Ça va pour du non masterisé, ça va. C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal ce petit groupe quand même. On fait ce qu'on peut. On va peut-être, ouais, c'est ça, on va peut-être en faire quelque chose quand même, on peut. Peut-être. En tout cas, Teresa a envie d'en faire quelque chose. C'est clair. Mais elle est chère ou pas? Non, du tout. C'est un travail de longue date. Hein. Travailler de longue haleine. Ah, il fallait la travailler au corps. Hein. Là, tu peux y aller. Hein. Généralement, les enfants de 12 ans, ils sont plus marrants. Donc là, c'est bon, on peut y aller. On peut y aller. Ouais, quoique. Ah non, il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est une expression. Ouais, j'ai bien compris, mais. On voit pas ce qui se passe, si on tu l'a... veux. On n'a pas de cam dans la radio, donc. On l'a surtout travaillé à l'âme. Ouais, oui, je pense. Ils sont doués. Au cœur et à l'âme. Un titre de Lenka, et après on fera un petit tour comme ça, en passant. Ou alors non, tiens, on va faire le petit tour maintenant, finir avec un titre de Lenka. Ouais. Il y en a là-dedans, hein. C'est 13 ans de métier quand même. Donc on va vous retrouver très vite, puisqu'on vous retrouve samedi. Au B52 en Belgique. Ouais. Samedi, un beau trio, donc Élise, Olenka, ATS. Ichtegem à partir de 20h à 20h. Donc c'est à 3 quarts d'heure de Lille, voilà. 10 euros. Alors oui, il y a un petit peu de route, mais franchement, bon, ça vaut la loin, peine. C'est entre Ostende et Bruges, donc c'est vraiment pas loin. Tu sais, j'habite Mouveau, pour aller à la Noix, je mets une demi-heure. Hein. Bah voilà. Ça vaut le coup de se déplacer. Franchement, le prix pour trois bons groupes comme ça. Pour surtout découvrir pour voir Johan, pour voir Johan Rochalski, le grand Johan Rochalski sur scène, avec ses lunettes de soleil et son déhanché incomparable. Et la bière n'est pas chère. Et la bière n'est pas chère. Non, venez nombreux, ça vaut la peine. Vous avez ensuite d'autres projets après le B52? Oui. Ouais. Alors, on va parler à l'attaché de presse. Les projets, on en parle souvent, tous les jours avec Teresa, concernant Élise, ATS, je te laisserai en parler après, même si je les connais, les projets d'ATS, puisque Johan m'en a également parlé concernant l'album. Les projets Élise, donc c'est toujours avec le soutien, l'accompagnement de Teresa. Ouais, tu vois, je la travaille bien. Ouais. Encore. Elle fait un travail énorme. À partir de maintenant, on va faire un live Facebook si vous le voulez bien. On peut. Non, mais elle fait un travail énorme. Donc, les prochaines étapes, là, nous, on continue de bosser sur l'album. Je vois mon binôme, donc Max, ce week-end, enfin dimanche, pour bosser encore sur l'album, sur les nouveaux titres. Concernant donc les concerts, après on cherche des dates sur le mois de février. On aimerait bien se produire en dehors de Lille sur février. On va cibler peut-être Amiens, Arras, si on arrive à conclure des dates par là-bas. Il y a des dates programmées encore à Lille au mois de mars au Charlatan et en avril sur Paris. Après, tout à l'heure, je parlais des festivals. Donc, on aimerait bien se greffer sur quelques festivals. Et franchement, vous serez agréablement surpris. Et j'espère que le message sera entendu. Et voilà, on a besoin de vous pour se produire, parce qu'il n'y a que la scène qui compte pour nous. Une petite release party au mois de mai. Une release party. Oui. Au mois de mai. Bah pour la sortie de l'album. Oui, alors si on a la chance de l'avoir pour le mois de mai, pour l'anniversaire de Teresa, comme on disait, effectivement. On le fait chez Teresa. On essaiera. En même temps que baptême de l'assaut. On va se serrer un peu, mais bon, ça va. Je pense qu'on trouvera un lieu. Tu veux bien te prêter ma maison si tu veux. Pour le lancement de l'album. Peut-être qu'on reviendra sur Boomerang à ce moment-là pour en parler. Et puis, programmer une date, un concert dans un lieu, peut-être sur Lille, pour le lancement de l'album. Voilà. Et un dernier petit mot pour dire bonsoir à deux jolies oreilles qui nous écoutent. Et puis, à Johan, à Christine de ATS, qui sont pas là, mais on pense à eux. Et à Max et sa chérie, et à Yasmine, et puis encore à qui? Ah, moi c'est bon, il y a personne. Il y a mon chien. Il y a Zorgi. Azorgi. Et un grand merci, toi Franck, de merci beaucoup Franck avec joie. De nous avoir accueillis malgré les petits problèmes. Et ben, c'était juste un super moment. Et tu vois, le temps passe super vite. C'est vrai qu'il y en a qui sont loquaces. Hein. Ouais. Je suis désolé. Bon, tu sais que tu peux me laisser là jusque demain matin. Ouais. Je vais faire un monologue jusque demain matin, il n'y a pas de problème. Hein. Écoute, ça ne te dérange pas, je te file les clés, tu fermeras derrière toi. C'était quoi cette. Comment s'appelait cette nana qui parlait la nuit à ses auditeurs avec une voix. Macha. Macha, voilà. Macha. C'est vrai, t'as presque la même voix qu'on a. Il y a peut-être quelque chose à creuser par là. C'est Macha. Écoute, on a pas ça ici, mais je t'imagine. J'aime bien, tu sais, une voix à travers la nuit. Alors, il faut baisser les lumières avec une petite musique d'ambiance. Après, il faut pas que ça tombe dans le style de Docteur Fool, tu sais. Non, je prends les auditeurs, les uns après les autres. On parle uniquement musique. Voilà. Voilà. Ouais, je t'appellerai de temps en temps pour te dire mes problèmes que je vis actuellement. Si tu as besoin de quelqu'un pour meubler quand tu as un problème technique, c'est que tu peux faire appel à ça. Tu peux avoir une mise à jour de PC qui peut durer une demi-heure sans problème. Ma réputation est faite. Mais vous pouvez nous retrouver encore une fois sur Instagram et Facebook. L'Instagram, c'est Elise the Band Official. Voilà. Et sinon, vous allez sur Just Like Just Even, like Even, et là vous avez toutes les informations que vous pouvez. Parce que vous allez galérer pour trouver sur YouTube. Sur Facebook, c'est Just Like Even. Si vous tapez sur YouTube Elise Stranger, et là vous trouvez le morceau phare que vous avez entendu ce soir. Parce que si vous marquez Elise Group Lille, ça passe pas. Hein. Non, peut-être sur Google, à force, même pas. Un jour ou l'autre, on y arrivera. Plus compliqué. Ouais. Voilà. Encore merci, Franck. Bah, un grand merci à toi. Allez, parole à Christophe. ATS. ATS, donc ATS comme. A Thousand Societies. Donc, alors je vais rajouter à ton petit bonjour Pascal et JC. Exact. Voilà, JC qui. Jean-Christophe Sailly qui. Il fait toujours partie du groupe, même si il vogue vers d'autres cieux dans une autre région de France. Il fait toujours partie du groupe. Alors, il n'est plus là physiquement lors des concerts, mais il est toujours là dans nos cœurs. C'est une âme éternelle. Carrément. Ouais. Donc voilà, un gros bisou à JC. L'actualité pour ATS, c'est donc la préparation d'un album. Comme je l'ai expliqué, déjà une dizaine de morceaux qui sont déjà bien avancés. Il y aura certainement aussi une, voire deux peut-être reprises d'anciens morceaux. Mm-hmm. Je pense notamment à un morceau qui a déjà bien repris Pascal, d'un des tout premiers albums d'ATS, donc de l'époque de Johan et de Jacques Terrier, qui est Sainte Innocence. Mm-hmm. Un très très bon morceau où j'aime beaucoup l'interprétation de Pascal. Et oui, alors bon, peut-être aussi quelques occasions de concerts dans le courant de l'année, mais je pense que avant ça, on en a reparlé tous les trois suite au concert de la semaine dernière. On va prendre le temps, d'une part déjà de travailler l'album, mm-hmm. de le peaufiner avec les nouveautés qui s'annoncent. Et moi, ce que j'aimerais bien, ce que je leur ai proposé, c'est aussi de travailler justement un petit peu nos préparations de concert, mais un peu plus sur le plan scénique. Mm-hmm. Ça me parlait de la présence de Johan sur scène. C'est vrai que voilà, c'est le charisme. On le ressent même quand on voit une photo. Pourtant, voilà, c'est fixe une photo, mais on le ressent même à travers les photos de Johan qu'on le voit sur scène. Et il y a une cohésion de groupe en fait encore à créer. Je dirais on est sur une nouvelle configuration depuis le mois de mai dernier. Mmh. Et voilà, la cohésion de groupe, même si on s'entend très bien, on se retrouve entre amis, elle ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et je pense qu'on a encore un petit peu de travail à faire là-dessus sur notre jeu de scène. Et je pense que c'est aussi un travail qui va être intéressant à mener. Ok, super. Donc toi, on peut te retrouver sur... Sur YouTube, en tapant Thousand Societies, comme toi-même tu as pu le faire, on retrouve les tout premiers albums. Sur la page Facebook du même nom, Thousand Societies, et aussi bien sûr avec Just Like Event, mené de main de maître par Thérèse. 7845 abonnés. Non, j'imagine même pas quoi. On va y arriver. T'as oublié un zéro. C'est un beau démarrage. C'est C'est de bon augure. Ça a été créé hier déjà. Boum, tu vois, voilà. C'est un truc de fou quoi. Ça fait le buzz. Bon, allez, on va terminer par toi. Ah, le mot de la fin donc. Ok. Bah le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est non, que. Non, pas le mot de la fin, mais t'as déjà bien parlé du projet, des choses comme oui, ça. Oui. Moi, j'ai hâte quand même que ça se développe. Oui, parce que ça se concrétise. Parce que ça mérite. Pour l'instant, là, on débute à deux, hein, donc avec ma frangine, avec Christine. Ouais. Et je pense que, bon, voilà, j'ai en vue deux personnes que j'adore beaucoup et que je pense qu'ils intégreront l'association. Donc, voilà, je pense qu'ils sont reconnus, hein, voilà, ils nous écoutent, donc voilà. Et puis. Donc je pense que ouais, on a déjà pas mal de petits bénévoles qui nous suivent aussi, donc pour c'est toujours bien hein, d'avoir ouais. Des petits bénévoles. Des petites mains. Exactement, des petites mains, on a toujours besoin de ça. Toujours besoin, ouais. Et puis bah là, après je compte sur tout le monde, enfin tous ceux qui puissent venir au concert donc ce 28 janvier, samedi, au B52. Voilà, il faut vraiment sortir, voir un petit peu les artistes sur scène, pas seulement les écouter via les réseaux sociaux ou bien voilà, YouTube. Il faut vraiment venir, voir un petit peu ce que ça donne aussi sur scène, parce que c'est complètement différent hein, quand on est content d'un disque et en voyant un artiste sur scène. Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde hein, qui puisse venir voir un petit peu notre set de trois super groupes hein. et une belle surprise pour Lenka hein, ça a été une révélation ici ce vendredi à la Brad Cave. Ça a été vraiment une révélation pour pas mal de goût du public hein. Et donc c'est vraiment un groupe qu'il faut suivre de près. Je pense que voilà, ils ont fait un super festival prestation au mois de septembre l'année dernière. Donc c'était sur un festival qui s'appelait Lowtone avec les Happiness Project hein, qu'on aura bientôt aussi, et avec les collections Dernier Andrea. Donc c'est vraiment des belles références et qu'il faut vraiment suivre. Voilà. Donc comme j'ai l'habitude de dire aux invités qui viennent ici, surtout n'hésitez pas à nous envoyer des messages, même envoyer des messages à la radio. Bon, si vous voulez pas les envoyer à la radio, moi après je ferai suivre. Mais quand vous avez des événements, quand vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, faut surtout pas hésiter. On a des agendas chez nous, donc des gens qui font des agendas. On a des moi ça me permet aussi dans les émissions de parler des concerts à venir, etc. Donc faut surtout pas hésiter, je veux dire le moyen radiophonique sert aussi à ça, il sert à faire découvrir des groupes et il sert aussi à ce que les gens on l'espère se bougent un peu le cul pour aller voir des concerts. Quoique je trouve que l'après-Covid c'est quand même pas mal. On n'a plus les mêmes réactions parce qu'avant on prenait nos places longtemps à l'avance. Maintenant c'est tendance à dire qu'est-ce que je fais ce soir. Ah ben tiens, il y a ça ce soir, je vais aller voir. Donc on a un peu changé notre manière de faire. Mais je trouve qu'il y a encore pas mal de monde, je trouve, dans les concerts. Ça recommence un peu. Ouais, c'est rassurant, ouais. Bien sûr, même là, ce vendredi, on a été un peu surpris hein, du public. Et donc, agréablement surpris des prestations de chaque groupe, d'ailleurs aussi. Et donc, ouais, c'était le premier événement de Just Like Event et qui a remporté un beau succès. Donc, je suis vraiment fier de ma frangine. Donc qui a travaillé aussi avec moi et puis avec tous les trois groupes que j'invite à vraiment venir voir parce que ils en valent vraiment le coup et ils sont sincèrement plus très adorables, abordables si vous voulez faire des dédicaces, du merchandising, ils ont vraiment de très belles choses à vendre aussi. Donc il ne faut pas hésiter hein, le merchandising aussi ça rapporte aussi pour les groupes hein, absolument. Donc voilà. Donc il ne faut pas hésiter à venir les voir. Et puis ne serait-ce que pour discuter, simplement. Tout à fait, oui, ils sont très ouverts à la discussion. Pour, il y a pas de pour soucis. Échanger, je vais dire. Et un petit message à Martine. S'il te plaît, Martine, laisse les bars ouverts plus tard que minuit, s'il te plaît. Ah ça, oui. Si tu pouvais au moins nous laisser jusque 2h du matin, ce serait bien, quoi. Voilà, insonorise les appartements du dessus. Et puis laisse-nous vivre notre vie. La musique, ça ne se vit pas de 4 à 7, voilà. Hein, faut quand même le savoir. S'il te plaît, Martin. Souviens-toi de Jack. Bon, en tout cas, moi, ça a été un réel plaisir de vous avoir ici. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous allez. Alors, il faut passer 3 fois dans l'émission pour avoir son nom sur la chaise. Je vous le dis simplement comme ça. D'accord. Au mois de mai, hein. Au mois de mai, on revient. Hein. Bah, il y aura les sorties d'albums, peut-être d'autres concerts. Avec d'autres concerts, d'autres prestations, justement, peut-être avec les Dark Minimal Project. Hein, donc on risque de faire des petites choses ensemble. Ah oui, encore eux. Ils sont toujours là. Putain. On les embrasse. En plus, le prochain album, il risque d'être bien. Oui. On vous en dit pas plus parce que bah j'ai déjà eu les premières brides, mais j'ai pas eu les meilleures. C'est ça qui me dégoûte, tu vois. Oui. Voilà, Guillaume me dit, je t'envoie des trucs, c'est le nouvel album. Bon, tu t'écoutes, tu me dis machin. Ok, pas de problème. Et puis là, je le rencontre et puis je dis ouais, je parle avec lui de ce qu'il a fait. Je dis franchement c'est bien quoi. Franchement c'est bien. Il me fait ouais bah t'as pas eu les meilleurs. J'ai dit putain les meilleurs tu les as donné à qui? À Greg de à Greg et Walter de Galaxy. Non mais je dis attends. Mais il est adorable. Ouais. Moi j'avais été les voir vraiment. Ils sont venus ici faire leur promo du premier concert. J'avais été les voir sur l'île là au Nam. C'était Namcoc, je sais pas quoi, là, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment le tout premier concert qu'ils ont fait. Mais comment c'était génial quoi, parce que c'était propre, c'était bon, nickel quoi. Franchement, bon, enfin, c'est un réel plaisir, ouais. Un réel plaisir, aussi bien dans la vie de tous les jours que sur scène. Voilà, on va se quitter avec un titre de Olenka. On les embrasse. Oui. Puisque ils n'ont pas jugé bon de venir ici dans l'émission. Voilà, à mon avis, je ne suis peut-être pas assez connu pour qu'ils viennent. Non, je déconne, mais non, je les embrasse. Je les embrasse et puis ben, un grand merci pour aussi d'avoir tout envoyé par mail. Pour avoir de la matière ce soir pour pouvoir vous passer sur les ondes. Mais voilà, mais comme je vous disais, vous inquiétez pas, maintenant vous êtes intégrés dans mes playlists. Merci. Perso. Merci à tous les auditeurs de Boomerang. Ils sont trois ce soir, donc tu peux. Et de Galaxy. Et de Galaxy. Quatre, parce que Maxime finalement il a compris que c'était Boomerang. On se retrouve bientôt sur scène. À très vite. Voilà. Donc nous c'est la semaine prochaine qu'on se retrouve. Prochaine émission, prochaine éclipse. D'ici là, portez-vous bien. Avec Sam. Avec Sam, on parlera de plein de choses, mais il y aura peut-être pas beaucoup de musique, mais parce qu'on n'aura pas forcément le temps de passer de la musique, mais ce sera intéressant. Non, mais tu sais que tu pourras tu pourras revenir. Je connais l'adresse. Mais peut-être pas la semaine prochaine. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée à l'écoute de Boomerang. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye. Un grand merci à vous. Un grand merci. Je vous embrasse. Merci pour l'accueil. Bisous. Bye bye. Street.